Faucon Millennial vous est présenté par MercAdvisor. Sur MercAdvisor, il n'y a que les plus forts. Bonjour à toutes, à tous et aux autres. Bienvenue à Faut qu'on lance les dés pour ce soir avec toute l'équipe. Il y a du monde, c'est cool, il y a pas mal de monde. Allez-y, vous pouvez vous démuter hein, l'équipe, n'hésitez pas. Dites bonjour à tout le monde. Hey, salut tout le monde. Quand est-ce qu'on fait la bagarre? Bonjour. Alors c'est ça le donjon. Ah non. Il a pas l'air terrible. Ah Matt, je savais que t'étais une sale. ça tourne mal très vite. Ça fait 30 secondes qu'on est en ligne. C'est déjà fini. À la fin d'un équipage. Le vaisseau a explosé. Du coup, je vous dis bonjour à tous. On va commencer par faire un petit rappel de chaque personnage qui compose cette équipe. Chacun va se débrouiller d'ailleurs. On rappelle les six personnes qui composent l'équipe. Qui veut commencer? Moi, je propose que le capitaine commence à se présenter. Et pourquoi pas en dernier, le capitaine? Non, le capitaine en premier, c'est moi qui décide. Grushkov. Tu m'as pas prévenu. Ah oui, bah tout le monde était prévenu, t'es arrivé trop tard, c'est pour ça que t'es puni. Ok, alors, je vais chercher un truc. Bonjour tout le monde, salut, comment ça va? Comment te présenter? Déjà, je m'appelle Koff, Grushkov. Je suis le capitaine de ce vaisseau. Recherché dans plus de 20 systèmes, notamment pour attentats à la pudeur et vol à la tire. Je suis un humain. Et j'aime bien me faire passer pour d'autres personnes. Par exemple, ma tenue est inspirée du célèbre capitaine pirate d'Elphidia, Sidon Itano. En général, ça m'aide à genre, pas me faire choper, notamment pour mes attentats à la pudeur. Et j'ai même un vaisseau qui fait lui aussi du cosplay. Hein. Vous le reconnaissez, il ressemble au célèbre Faucon Millennium. Et d'ailleurs, on l'a appelé le Faucon Millennium. Qui est d'ailleurs le nom du podcast que je tiens avec l'équipage. Deux samedis par mois. Incroyable. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Je suis juste le meilleur capitaine. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire ça. Et si ma voix est bizarre, c'est parce que j'ai un casque. Voilà. Qui ne sert que de cosplay, n'est-ce pas? Oui, voilà. Ah, oui. Je te remercie, Grush. Je suis un humain. Ouais. Un humain caché en cosplay extraterrestre, du coup. Oui, quoi qu'on sait pas. Ouais, on n'est pas sûr. Appropriation culturelle, ça va, là? Lui-même, le capitaine Itano, qui lui-même fait l'appropriation culturelle, puisque son casque est un casque caliche. Hein, donc, on ne va pas m'en bêter. De toute façon, si l'appropriation culturelle, c'était le pire truc avec lui... Vous voyez, il m'adore. Bon, du coup, le suivant, je vais, on va commencer par en haut à gauche, ça va être Ximnut, l'Ewok, fantastique Ewok. Hein? Quoi? Moi? Pilote? Mais tout à fait, oui, voilà. Fier pilote Ewok, Ximnut, avec un apostrophe milieu, parce que, voilà, c'est l'univers de fantasy, tout ça. Donc voilà, d'aucuns pensent que le fait que je n'arrive pas bien à atteindre les commandes du vaisseau, ça m'empêche d'être un pilote, mais voilà... J'ai néanmoins des magnifiques... J'ai tout l'attirail du pilote casse-cou, donc voilà, je vois pas pourquoi ça pourrait poser un problème. Et puis, j'occupe mes longues soirées d'hiver en partageant mon temps entre mes deux passions, qui sont d'une part, voilà, le bel canto, et l'utilisation des connaissances botaniques acquises sur ma planète natale. Donc voilà, j'essaie de m'occuper des petits bobos dans la mesure du possible. J'ai une question à te poser. Pour pouvoir piloter le faucon, est-ce que tu utilises un siège réhausseur bébé? Alors ça s'appelle pas, ce n'est pas du tout un siège réhausseur bébé. Voilà, c'est une pièce d'équipement qui permet d'augmenter, qui permet d'être légèrement plus proche des commandes du vaisseau. Ça n'a rien à voir. C'est un siège réhausseur Ewok en fait. Oui, spécialement. Voilà. C'est pas parce que je suis petit que j'ai pas de fierté. Je ouais. Comprends bien. Merci Ximnut. En second du coup, Funeli. Ouais, salut. Alors moi je suis pas tout à fait comme le capitaine, c'est-à-dire que je porte un casque, mais c'est pas juste pour faire du cosplay en fait. Un casque qui me protège. Je porte du Beskar parce que je suis Mando. Et voilà, j'ai une petite passion pour la bagarre, mais aussi pour l'art. Je fais pas mal de graffiti. D'ailleurs c'est un petit peu pour ça que je suis dans cet équipage. On a un petit truc, on va dire qu'on aime bien s'exprimer et que ça me fait une bonne petite plateforme pour m'amuser un petit peu autour de la galaxie. Et puis à part ça, j'aime bien aussi de temps en temps partager la cuisine mandalorienne avec le reste de l'équipage. Donc ouais, on se plaît bien et puis en plus avec ce petit équipage là, j'ai assez souvent de quoi, on va dire... assouvir mon envie de bagarre. Et pourtant tu fais équipe avec Adrien qui évite les bagarres au possible en général. Ah ouais mais Adrien il est adorable. Mais l'avantage du coup c'est que je peux faire de la bagarre pour eux. Du coup Adrien, vas-y, enchaîne donc, parfaite transition. Moi, je m'appelle Adrien Knapp et je suis gentil. Meilleure présentation ever. C'est vrai qu'on peut voir, on peut constater à sa fiche de personnage qu'il est surtout gentil. Ah, je suis aussi assez chanceux, on va pas se mentir. Donc ça me permet d'être probablement l'un des meilleurs artilleurs de vaisseaux de la galaxie, même si bon, notre capitaine refuse que je touche aux munitions. J'en profite tant qu'on parle. Tant qu'on parle de Adrien Knapp, j'en profite pour expliquer qu'on a réajusté un petit peu son personnage depuis la dernière fois et on a mis en place une petite subtilité de gameplay par rapport au Résus qu'on connaît, des règles de Résus qu'on connaît. C'est qu'il va avoir une stat extrêmement élevée, qui sera donc la malchance bienheureuse à 8, mais il devra lancer un D4 supplémentaire pour savoir si son action, même si elle est réussie, si elle réussit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, tout simplement. Ouais. On peut jamais rien faire. C'est pour ça qu'on le laisse pas toucher des trucs, parce qu'on sait jamais comment ça va finir. C'est ça. Mais ça reste toujours bien, on est encore tous là et on a même récupéré des crédits grâce à moi. Et Adrien Knapp qui possède donc un casou, enfin pas un casou, un... Mince, comment ça s'appelle déjà? C'était un Ouska. Un Ouska. Et on verra combien de temps il arrive à le garder avant que quelqu'un le balance par un sas. Ça ne saurait tarder. Ensuite, Tuki ou Matt? Allez, je vais choisir pour vous Tuki. Bonsoir. Je suis navigatrice. Je suis l'année. Alors, je vais vous dire qu'est-ce qu'un lanet fait en dehors de Actu. Eh ben, c'est pas vos oignons, déjà. Et je me suis exilée tout seule parce que, on s'emmerdait un peu, hein, faut dire, sur Actu. Deux fois, t'avais deux, trois vieux mecs qui venaient, qui cassaient tout, ou qui ramenaient d'autres gens qui cassaient tout, et puis bon, c'était pas ouf. Parce qu'il fallait nettoyer derrière eux, évidemment, parce que c'était des mecs. Et du coup, j'ai renié ma famille parce qu'ils étaient pas d'accord avec mon mode de vie, j'ai changé mon nom. Et je suis partie vivre une vie d'aventure et de danger, parce que ça me ressemble. Et alors j'ai un super gros carnet d'adresses, parce que j'ai fréquenté tous les coins qu'on appelle repères de criminels, alors que c'est pas vrai. Il y a aussi des gens qui sont juste des délinquants, voilà. Et donc j'ai appris à manier le blaster, mais honnêtement j'ai une petite préférence pour les couteaux. Mais bon, un Bassmaster c'est quand même vachement pratique parce que je suis pas très grand, alors quand je dois aller au couteau, bon. Faut que je prévienne quoi. Attends, bouge pas, je vais te tailler les jambes. Merci. Eh, ça peut être efficace de tailler les jambes. Eh oui, en plus je suis à la bonne hauteur, pas d'effort. Du coup, moi, mon activité avant de faire partie de cet équipage, c'était de transporter des animaux rares en contrebande pour un seigneur du crime ou l'autre, comme on les appelle. Hein. Et puis un jour, on s'est disputé avec des pirates, un truc tout stupide encore, et puis j'ai rencontré le capitaine Koff. Je cherchais quelqu'un qui pouvait naviguer. Bah, ça tombe bien. Je sais naviguer. J'ai aussi quelques guides Michelin de la galaxie, donc je connais les bons plans. Je me demande comment ils te payent, comment vous êtes payé tout l'équipage. C'est une question que je me pose depuis longtemps. Ils font partie du podcast. Ils ont l'immense privilège de faire partie du podcast, en fait. Voilà, je suis heureux qu'on soulève la question, en fait. Mais on n'était pas obligé. Bah, des fois, on récupère des trucs derrière le dos du capitaine, quoi, parce qu'il faut pas déconner. Vous voyez, c'est non, ça qui est recruté, Tuki. Parce que dès que tu rencontres cette personne, tu te dis, ça, c'est quelqu'un de chaleureux. C'est quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Ouais. Qui sera là pour les moments difficiles. Pour nous soutenir. Et puis, je suis plein de ressources, parce que je suis recherché par la Nouvelle République pour quadruple homicide et trafic de porg, et ils m'ont toujours pas capturé. Trafic de porg. Intéressant. Écoute, c'est très demandé dans certaines régions. C'est vachement bon. Genre sur Kashyyyk, non ? Peut-être. Je ne dis pas le nom de mes clients. On donne pas les noms des clients, enfin. Enfin, le dernier membre de l'équipage, Matt. Le Jawa de cette équipe. Ah ouais, je suis un Jawa. Je parle le basique, mais je suis un Jawa. Je connais plein de mots. Bonjour. Zigounet. c'est le premier truc qu'il m'a dit et du coup j'ai voulu le recruter directement. Oui, enfin tu m'as fait croire que t'étais en solo déjà. Donc moi je me suis dit ok, c'est le Faucon Millenium. Je vais être mécano sur le Faucon Millenium. J'y ai cru. Je montais et j'ai vu que c'était pas du tout le Faucon Millenium. Mais. Voilà, quand je vous dis. J'ai vu qu'il y avait de la place pour construire un alambic, pour faire des petits trucs. J'ai pu booster un petit peu ce vaisseau de merde. Mais En fait, j'ai été viré de Matt Chibu parce que je parlais le basique, ça leur a parlé bizarre. Et ils sont retrouvés sur cette ville. Il y avait ce mec là qui de me péter. Et son vaisseau il est sympa, surtout depuis que j'en suis occupé. Et voilà, je suis mécano. Et voilà, je pense que je pense qu'on a oublié personne. On a fini par le meilleur, hein, bien entendu. On arrête la zigounette. Et maintenant qu'on a vu toute l'équipe, on va pouvoir commencer cette aventure qui devrait durer jusqu'à la fin de la soirée. Et j'espère qu'on devrait terminer ce soir si tout va bien et que j'ai bien fait mon travail. Ça, c'est pas évident. Attends, avant de partir, j'ai l'impression que il y en a qui veulent que la voix de Matt soit un peu plus forte. La voix de Matt un petit peu plus forte. C'est possible. Micro, Matt, je pense. Non. En fait, Matt essaie de ne pas parler depuis l'autre côté de la pièce. D'accord, je vais faire ça. Est-ce que la voix de Matt est assez forte comme ça? N'hésitez pas à dire. J'avais pas vu, mais c'est vrai que Tuki, c'est un tombéri, en fait. Je sais pas ce que c'est. Moi, je suis ma propre personne, ok? D'accord. Pardon. Désolé. Quand même, j'ai rien à foutre. Normalement, c'est bon pour le son. Parfait. Très bien, non, alors on se retrouve au sein du Faucon Millenial, le Faucon Millenial, qui n'est pas le Faucon Millenium, bien entendu, mais qui est tout aussi robuste et perçant, n'est-ce pas, capitaine? Et on commence notre aventure alors que l'équipage a rejoint sur une planète forestière un homme qui s'appelle Excusez-moi. Émir. Cet homme est en contact avec le capitaine depuis assez longtemps, mais le capitaine n'en a encore jamais parlé à l'équipage. Il a accepté une mission. Je suis obligé de tout leur dire. Surtout que c'est une mission qui devrait rapporter un petit peu d'argent, qui devrait permettre de mettre un petit pot de beurre dans les épinards spatiaux. Si tant est que vous avez des épinards spatiaux, c'est pas dit. Non, il y a de très bonnes recettes. Très bonnes recettes. Avec du navet spatial, peut-être. Et non, du coup... ça, c'est interdit dans le vaisseau. Le navet est interdit dans le vaisseau. Sauf c'est, dans c'est... la cabine de Funeli. Ah, tu sais, les règles comme ça, ça n'existe pas à briser, hein. Toutes les règles sont faites pour être dépassées. Pour être ah, bonne ambiance, tiens, bonne ambiance. Et du coup, vous prenez à votre bord, alors vous vous posez dans un petit spatioport d'une planète forestière quelconque, sans trop savoir ce que vous faites là, honnêtement. Grushkov, enfin, le capitaine, Grush, finit par quitter le vaisseau une fois que vous avez atterri et revient quelques heures plus tard avec un humain de taille moyenne, assez quelconque et discret, qui porte une blouse de scientifique. Il a une petite moustache de toute beauté et il est particulièrement silencieux. Est-ce que le capitaine veut à présent expliquer la mission qu'il a acceptée dans le dos de ses collègues, compagnons d'aventure? Alors d'abord, j'aimerais juste vous demander, est-ce que ça vous dit de se faire une tonne de fric? Ouais, de l'argent! Voilà, et les autres? Potentiellement. Disons, capitaine, qu'on les connaît, vos plans. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit? Fric? J'ai pas compris, Matt. Elle est pour qui, la tonne de fric? Si tu gardes tout... Mais pour tout le monde, c'est pas pour moi, ok? On a un compte commun pour tout le monde. Si tu veux, tu peux prendre ce que tu veux avec. Enfin, mais c'est pas possible, ça. Faut que tout soit le capitalisme ici. Alors oui, j'ai mon propre compte à côté, dans lequel je mets 70% des gains à chaque fois. Mais, quand même, on partage, on a un truc commun, dans lequel je peux piocher aussi. Ouais, bon, d'accord. Bref, voilà, donc on est tous d'accord. Vous êtes partants. Alors, quand même, moi, je veux rappeler que sur Dantooine, vous parliez aussi de se faire une tonne de fric, et on sait comment ça s'est terminé. Oui, mais alors, c'était pas du tout pareil, parce que cette fois-ci, c'est pas pareil. On va pas arrêter de parler. Allez, vas-y, explique. Alors, je répète, c'est pareil. Ce petit bonhomme, là, le freluquet à côté de moi, ça va être Émir. Bonjour à tous. Ça fait... T'es pas obligé de parler, ok? Gênant. Pardon. En fait, tu vois, j'allais tout expliquer, mais tu m'as coupé en plein élan. Pardon, monsieur Koff. Non, mais y a pas de souci. Je lui tapote l'épaule de manière virile pour faire genre je suis le chef. Mais en vrai, non. Bref, en fait, j'ai déjà signé le contrat il y a quelques temps. Mais vous l'avez pas dit, mais maintenant vous avez tous fait un accord tacite. Hein, vous avez dit oui. Vous savez, nous, on est officiellement des livreurs de l'espace. Hein. On va prendre un truc à un endroit, on l'emmène à un autre. Pas de la contrebande. Comment? Et on pose pas de questions. Oui, voilà. Mais cette fois-ci, c'est différent, parce qu'en fait, j'avais accepté de déplacer un colis, mais, comment dire, c'est un être vivant. Voilà. Ça me connaît, ça. Oui, voilà. Mais ça, c'est vrai, il faudrait être mort, les vivants. Il y a pas une cuve carbonique dans le coin? Non, mais en fait, le truc, c'est que... Amir m'a contacté il y a quelques jours pour m'informer que le cargo qu'on devait conduire, c'est ça? Aborder mon cargo. Oui, aborder. on devait l'ajouter à notre collection de vaisseaux. Aborder un cargo qui s'appelait le Banta, comme un Banta mais sans H. sauf que Amir, il a la tête un peu partout et il l'a paumé avec le colis dedans. C'est ça? Pas tout à fait, Monsieur Koff. Oui, bon. Il s'est fait voler par des gens, des brigands, qui se sont installés dedans. Des pirates. Du coup, voilà, je suis venu récupérer Emir parce que il a le traceur qui peut nous permettre de localiser le Banta qui, d'après ce que j'ai compris, n'est plus en état de fonctionner, c'est ça? C'est tout à fait ça, Monsieur Kaff. Voilà, donc en fait, au final, ça nous arrange parce que comme ça, on va aborder le vaisseau, mais on n'aura pas besoin de le garder, tu vois. Enfin, vous voyez, on va pouvoir le garder pour nous. On va prendre le truc vivant et le mettre dans notre vaisseau. Le nôtre, il fonctionne. Hein, et au final, est-ce que c'est pas vachement mieux comme ça? On était bien d'accord que le Banta était le paiement. Excuse-moi. Pardon. Nous étions bien d'accord que le Banta était le paiement. Ça veut dire que le paiement, c'est un vaisseau qui marche pas? C'est ça que t'appelles un max de thunes? Désolé, c'est ça peut être. C'est un max de ferraille. Exactement. Matt sera très content parce qu'il va pouvoir faire des modifications. Il peut même coller le Banta par-dessus le Faucon Millenial. Et comme ça, ça nous fait un double vaisseau. Deuxième vaisseau dans lequel on peut dire « Oh, mais c'est le vaisseau où on a le droit de mettre les navets, par exemple. » Et est-ce qu'on a le droit d'utiliser les munitions dans ce vaisseau? Non. Pas toi. Ah. Voilà. C'est même extraordinaire qu'il y ait un équipage qui a chopé le vaisseau et maintenant ils sont à la dérive dans l'espace parce qu'ils n'arrivent plus à le faire fonctionner. Je pensais pas qu'il pouvait y avoir pire que nous. Attends, on n'a pas fait la mission pour l'instant. Ah, je n'ai pas dit que c'était des gens bien intelligents. Tu parles de eux ou de nous? De eux, Monsieur Koff, bien entendu. Mais du coup... est-ce que le tracker, tu nous le donnerais pas gratos? Le tracker? Ah, parce qu'en plus, pour le payer? Non, mais je sais pas. J'avais oublié déjà qu'il m'avait arnaqué sur le paiement. Non, mais... on a des flingues. des flingues? Pas Adrien. Pas Adrien. C'est pas dans le métal habituel de poser des questions. Nous, on a des flingues. Alors, le tracker, je vais... Je vais bien entendu vous le fournir puisque le plus important pour moi est de récupérer mon colis. Je vous fournirai le tracker, c'est sans importance. Bah déjà que tu dois faire une épave, ouais, c'est le minimum. Ce n'est pas tout à fait une épave, c'est juste que le moteur ne fonctionne plus, comment pourrait-on dire? Ne fonctionne plus comme on le souhaiterait. Oui, bah c'est un mobilhome, quoi. En vrai, Matt, je croyais que tu pouvais tout réparer. Je peux tout réparer, mais est-ce que je veux tout réparer? C'est très différent. Puis il faut des fonds pour réparer des choses. Vaisseaux. Mais j'ai pas dit pas deux vaisseaux, c'est un vaisseau qui marche, hein, qui marche pas. Mais tu mets un peu de l'un dans l'autre et comme ça ils fonctionnent tous les deux à moitié. Enfin, on va trouver, on va voir. Est-ce que le Faucon Millenial marche en entier déjà? Dans ces bonjours, on dirait. Oui. T'es qui en fait? Vous auriez pas dû dire ça, mon petit bon. Pourquoi tu parles comme ça en fait? Pourquoi tu l'ouvres? Dans le tracteur, tu t'en vas maintenant. Mais tu vois, je me posais la même question tout à l'heure. Ah non, je dois venir avec vous, cela fait partie du contrat depuis que l'on m'a volé mon vaisseau. Je récupérerai le colis, vous n'aurez plus besoin de l'amener où bon vous chante, puisque je repartirai avec quand vous me redéposerez ici sur cette planète forestière. Quelconque qui n'a pas de nom. Oh, mais attendez deux secondes, ça ne... Ça m'intéresse parce que c'était pas dans le contrat. Ah, vous deviez amener le colis, si dans le contrat, vous deviez amener le colis à une destination qui était toute à ma discrétion. Oui, ouais, on amène le colis, mais on n'amène pas toi. Te déplacer toi. Voilà, on doit te déplacer toi. Et, Est-ce que 10 000 crédits supplémentaires, ce serait pas... Je vous offre avec grande générosité le tracker que vous pourrez réutiliser non, plus tard. Non mais ça, on le prend déjà. Maintenant, faut payer les frais de bouche. Ah mais, c'est pas bien loin, messieurs. Monsieur Koff, regardez. Allons. Nous avions un accord. Je l'attrape derrière la tête et je lui tourne la tête vers Funemi et je lui dis « Regarde, regarde-le, le là. » Je vois bien. Dis-lui, en regardant droit dans ses yeux, qu'on pourra pas lui acheter ses navets. Je ne vois pas ses yeux. Monsieur Koff, je ne vois pas ses yeux. Là, dans la visière. Je ne les vois. Vas-y, réponds à la question. Mais puis les grands chefs, ça se paye. J'ai pas bien entendu la question. Vous pouvez répéter ? Dis-lui, on n'arrivera pas à lui payer ses navets. Mais vous pourrez les payer en revendant les pièces du Bantar. Et on mangera pas de navets pendant plusieurs semaines. C'est du boulot en plus, ça. De me déplacer ? Ah, vous inquiétez pas, on n'en a pas pour bien longtemps. Si vous êtes aussi efficace que votre capitaine vous a vendu, cela devrait être fait en deux temps, trois mouvements. Ah mais oui, ça c'est pas un souci, mais tu vois, le talent ça se paye en fait. Ah mais oui, mais le contrat est signé. Votre capitaine essaye de faire sur moi un peu de pression, mais c'était ce qui était prévu. Ouais, ouais, ce qui est prévu, c'est qu'on emmène ton colis sur ta planète. Mais on n'a pas dit qu'on t'emmènerait toi sur ta planète, donc... Je tire à ses pieds. Tu quoi ? Je tire à ses pieds, à l'intérieur du faucon. Mais vous êtes fou, monsieur Koff. Alors, je pointe vers lui, pardon. Si vous me demandez mon avis... Non. Mais est-ce qu'on te le demande ? Si, moi j'écoute, vas-y, balance. Si vous me demandez mon avis, on peut l'emmener avec nous, le voir, et ça se trouve, ça va devenir un très bon copain. Il a l'air d'être absolument gentil comme tout, n'est-ce pas, monsieur ? Ah, je suis une personne adorable. Ça se voit ? Bah, t'auras qu'à lui partager ta cabine, Demandez à n'importe lequel... J'ai pas de cabine ! Demandez à n'importe lequel de mes esclaves, il vous répondra. Bien. Eh bien, voilà. Ce que l'on fera, c'est que à notre retour sur la planète forestière, je vous donnerai un petit bonus pour m'avoir déplacé avec vous, en preuve de bonne volonté. Est-ce que ce sera des crédits ? Pourquoi pas avant ? On y est là sur la planète forestière. Tu nous fais un bien. Non, je ne donne pas d'argent, monsieur Koff, nous étions d'accord là-dessus, mais peut-être auriez-vous besoin d'un petit droïde dans votre vaisseau, ou bien j'ai de très beaux esclaves, très vaillants, qui pourraient travailler pour vous. T'as grave ton car, chaque seconde. Mais en plus, je ne fais rien, c'est moi. Je tiens énormément au colis, je veux le récupérer moi-même. Et nous, on tient énormément au colis. Eh bien, nous trouverons un arrangement une fois revenus. Mais c'est ta faute, capitaine, là. À chaque fois tu nous mets dans des plans tout pourris et on est obligé de négocier juste pour avoir bouffé, là. Ouais, ils ont l'air sympas, tes potes, capitaine. Tes potes, c'est super. Alors, bon, on s'énerve, mais je pense que... Est-ce que vous... Il faut que je vous précise quelque chose. Le Banta est un vaisseau cargo bien plus gros que ne l'est votre faucon millénial. Je pense que vous y serez largement gagnant dans l'histoire. Moi je dis, on embarque le gars là, puis il nous sert de bouclier, comme ça au moins il ne sert pas à rien. Ouais, tiens, bonne idée. Allez. Au niveau de travers, je joue très bien. Du Kix, 10 minutes, je vous l'emportez avec vous et. Je veux pas de ça dans le cockpit, moi. Mais il a le tracker. Bah oui, mais c'est pas lui le tracker. Bon, bah... Je vous donne le tracker. Je le donne à qui sans demander. Pas de problème, monsieur Koff. Asseyez-vous là-bas et attachez votre ceinture. D'accord, monsieur Koff. Allez, occupe-toi de notre ami, là. Allez jouer aux billes. Oh, ah, j'ai des super billes à vous montrer, regardez. Et je vous montre une collection de billes que j'ai dans ma poche. Pardon. Funélie, est-ce qu'il nous reste du caf? Du quoi? Je pensais pas du caf, ça on peut refaire. Je vais en préparer. Question de. Merci. Est-ce que je peux en avoir ou ça va me coûter un surplus exagéré? Ah, c'est bon, tu peux en avoir, c'est juste que tu sauras pas si j'ai craché dedans ou pas, c'est tout. Fais gaffe de bien retirer ton casque avant de cracher dedans. Je vais mettre du piment mandalorien dedans. C'est Emir hein, qui s'appelle, c'est ça? Oui, c'est ça. Je me tourne vers lui et je fais « Eh, vous inquiétez pas, il fait ça souvent, ça donne du goût. » C'est déjà une catastrophe. Pire équipe, je vous jure. Mais hey, ça fonctionne ou pas? Ça fonctionne du tonnerre, bien entendu. Bah vous avez intérêt à le dire, ouais. C'est dans le contrat aussi. Le point. Fais gaffe à ce que tu dis. Donc du coup, vous vous organisez pour repartir et vous décollez de la planète forestière pour aller au point indiqué par le tracker. C'est pas un voyage qui est bien long, effectivement, il vous avait prévenu. Et vous partez donc vers le vaisseau cargo. En chemin, il vous explique que les pirates sont une bonne dizaine et qu'ils ont pris son vaisseau après avoir détruit les moteurs et que c'est pour ça que le vaisseau ne se déplace plus. Et vu que ces pirates ont perdu leur vaisseau lors de l'affrontement, il savait qu'il serait toujours à l'intérieur. Il a pris un pod pour s'échapper le moment venu. Voici à quoi ressemble, si vous voyez sur le live bien entendu, à quoi ressemble le bas du vaisseau cargo. C'est un vaisseau... Petit truc à dire, Ika, hors RP, si jamais on a des trucs à écouter sur le stream, tu peux nous le dire, comme ça on peut mettre le son. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah, vous avez raté le bonjour du petit personnage au début que j'avais mis. Ah oui. Effectivement. Mais c'est pas bien grave, je pense. Ça roule. Y a que de la musique sur le stream, normalement, et vos magnifiques voix. Oui. Ah oui, FTL, j'aime bien. Oui, pardon. Alors, vous arrivez au niveau du vaisseau. Il ne vous tire pas dessus quand vous arrivez à une distance correcte. Et vous comprenez donc que Emir ne vous a pas menti. Le vaisseau n'est plus en état de fonctionner correctement. Il a de nombreuses brûlures sur sa coque et les moteurs ont effectivement été détruits. Il y a probablement plusieurs jours. Donc vous arrivez en plus d'argent pour du métal. Mais détruit ou c'est réparable? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux pas évaluer un peu le truc de l'extérieur là? De l'extérieur? Il faudra faire un peu. Je vais évaluer de l'extérieur le truc, moi. Le métal et moteur. Bien entendu, un petit jet de dés en utilisant ta compétence As du système, je pense. Système D. Alors je suis désolé, les gens sur le stream, j'ai pas pu mettre les dés directement sur le stream pour ce soir, ça sera pour une prochaine, et j'annoncerai les résultats, c'est pas bien grave. C'est un 3 des 6, c'est ça? Exactement. C'est parti. Ah si, de l'extérieur, tu arrives quand même à estimer que les dégâts... au niveau des réacteurs, en tout cas tu vois pas pour les moteurs à l'arrière, mais au niveau des réacteurs, c'est très endommagé. Il faudrait probablement changer les réacteurs en eux-mêmes. Mais tu vois, par contre, vu de l'extérieur, tu vois bien que ça a l'air d'être des dégâts quand même superficiels. Probablement que le moteur derrière, lui, est toujours fonctionnel. Peut-être. Il faudrait que tu le vois de plus près. D'accord. Bah désolé capitaine, je peux pas trop dire comme ça. Faudrait que je regarde, peut-être que je vois une cuillère. Je voulais que tu le dises et tu l'as dit. C'est juste pas satisfaisant. Vous arrivez lentement, alors que Ximnut dirige le Faucon pour se raccorder au vaisseau cargo. Tout en douceur. Avec une extrême douceur. D'ailleurs, est-ce que tu peux me faire un jet de dés aussi pour me montrer à quel point tu es un bon pilote en utilisant ta compétence pilote casse-cou. Pilote casse-cou. Il ne sera pas dit que les Ewoks savent pas piloter. Peut-être. C'est bien. Eh ben c'est parfait. Les dés sont dégueulasses. Un petit 12 donc, un gros 12 en fait, pour être tout à fait honnête. Donc tu arrives en douceur, et c'est à peine si on sent quand les deux vaisseaux s'accrochent et s'arriment l'un à l'autre. Quel pilote plein de douceur, digne d'un équipage de cette qualité. C'est beau ce que tu fais. Il faut bien qu'il y en ait un qui ait un peu de douceur dans l'équipe. Je peux être très doux. D'ailleurs, tu lui as pas caressé. Mais je suis adorable. Donc vous arrivez au niveau du cercle sur le vaisseau, tout en bas à droite du plan indiqué. Vous arrivez dans une toute petite pièce et vous voyez effectivement les moteurs tout de suite à ce moment-là. Et il est très aisé, je te fais même pas lancer un dé mat, de constater que les moteurs sont très easy, effectivement. Il est très, très simple de constater que... faut chercher tous ces mots, c'est dingue. Que les moteurs seront probablement plus simples à réparer que tu ne l'imaginais. Vous avez vu ça, capitaine ? C'était pas le choix de mon culasse ? C'est juste que vous... Non, j'aurais pu rien arrêter. Bah super, mais d'abord, on fait la mission, quoi. Hein ? Oui, bah, je voulais faire mon truc. Ah, alors ? Fermez bien les portes à clé du vaisseau. Là, effectivement, vous entrez dans la pièce, il n'y a personne et la porte semble verrouillée. Elle semble verrouillée de l'extérieur. Si l'un de vous sait comment l'ouvrir, c'est le moment de le dire. Pour autant, vous entendez du bruit derrière. Sûrement, vous êtes attendu. Malgré toute la douceur de Ximnut, il est probable quand même qu'ils aient senti l'arrimage. Tu peux attendre qu'ils ouvrent la porte, hein. Dire, par hasard, vous auriez pas les clés de votre propre vaisseau ? Ah non. Non, je n'ai pas les clés. Je vais attendre derrière vous si ça vous embête pas. Ces pirates sont armés. On a dit que c'est toi le bouclier qui passe en premier. Ah, est-ce que je pourrais avoir une arme alors ? Je n'ai pas pris d'arme avec moi. Bah tiens, voilà. Je lui file mon blaster Westar 35. Ok. Je regarde Finalifère avec un air un petit peu dégoûté en disant un peu à voix basse, de toute façon les armes ça sert à rien. D'accord. Est-ce que l'un de vous sait ouvrir les portes ? Attendez, y a pas moyen genre juste de toquer. Je veux dire, je suis plutôt bon pour parler avec les gens et leur faire croire que tout va bien. Hein. Ah, il va recommencer. Vous avez pas du sang elfe, capitaine ? C'est qui voit dans la nuit ? Je veux dire qu'ils sont nectala. Je viens de retomber en 2001 là. Arrête, t'as été le seul compétent ici, reste. Je crois que Matt pourrait ouvrir la porte. Je veux dire, la dernière fois, vous étiez tous en prison, il vous a fait sortir comme ça. Il a fait péter la prison. On va pas faire péter la pièce dans laquelle on est. Non, il a pas fait péter la prison. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, du coup, le gars, là, il toque à la porte ou quoi ? Il veut pas... Non, vous avez pas l'air de vouloir. J'ouvre la porte, j'ouvre la trappe et je commence à gricoler. Attendez, on se met tous en position, déjà, hein, parce que on entend les gars de l'autre côté, quand même. Tous derrière. D'ailleurs, vous les avez entendus, mais là, vous n'entendez plus rien. Ils ont dû nous entendre avec tout le boucan qu'on fait. Ils sont combien à avoir abordé le vaisseau ? Une bonne dizaine. Ah oui, quand même. Ah, c'est plus que nous. Une bonne dizaine, monsieur Nut. J'ai des explosifs si jamais. Ces explosifs, ça me semble un petit peu exagéré. Du coup. Le truc des explosifs, c'est que si on récupère le vaisseau après, tu vois, faudrait qu'on puisse en tirer quelque chose. Ouais, prends soin de la marchandise, quoi. Ok. Est-ce que pas moyen de négocier, je suis sûr que c'est des gens absolument fantastiques. Bah, je suis d'accord. Enfin, pas qu'ils sont fantastiques, mais on peut essayer de négocier. Oui, là, la porte est fermée. J'ouvre pas, vous êtes prêts? Vas-y, tu veux pas essayer le code 1312? 1312? Oui, c'est vrai, y a pas un code sur la porte. Si, bien sûr, comme toutes les portes de vaisseau. Allons. Mais alors, pourquoi tu le connais pas? Pourquoi tu ferais pas 0123? 8005. Ou 1234. Mais les pirates ont dû changer tous les codes. C'est une évidence. Pourquoi vous avez dit qu'ils étaient débiles? Je vais essayer le code habituel, mais j'ai un doute. Donc il s'approche de la porte, il va vers le boîtier que Matt avait déjà commencé à démonter complètement, il prend juste le clavier qui tient par deux fils et il tape un code à quatre chiffres et pouf, la porte s'ouvre. Ben voilà. Ah oui, vous aviez raison, ils sont vraiment débiles. Ah oui, hein. C'est on s'y connaît en débile. Je connais les débiles, j'en ai 5 avec moi. Tu vas vite te calmer toi parce que ton compte en banque il va vite vider. Pardon. Du coup les mecs ils sont du coup du coup le bonjour. Le cher émir a bien compris qu'il devait passer devant. Ça lui plaît assez moyennement. Et il commence à parcourir le couloir qui suit le sas. Ouais, c'est un sas. Hein. Il y a deux portes, bien sûr, puisque ça mène sur potentiellement l'espace. Et une fois qu'il arrive au coin du mur, très précisément ici, il regarde à l'intérieur de la pièce et il vous dit « Il n'y a personne !» Je crois qu'il n'y a personne. Ouais, en plus, c'est des lâches. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un ici? Adrien. Je crois pas. Okay. Non, je sais pas, peut-être qu'ils nous attendent dans la salle de réception avec des banderoles et tout, tu vois, je sais pas. Votre anniversaire, Adrien? S'ils n'ont pas déplacé le colis, le colis se trouve au niveau du poste de pilotage tout à l'avant. Ils sont peut-être allés le garder alors. Pourquoi? Pour qui garde un colis vivant au poste de pilotage. C'est bah, là... Je sais pas, demande au Mandalorien. Excuse-moi. Non, pas toi, les autres. Ah, l'autre. T'es que deux Mandaloriens dans la galaxie. Oui. Celui qui est connu, là. Celui qui est... Bah, celui qui est connu est Boba Fett. Non, nous on parle de. Laisse tomber. On parle de celui avec Atsumiku. Enfin bref. Si ça se trouve, ils ont pris le colis, ils se sont barrés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas changé les codes. Je sais pas. On les a entendus juste avant. C'est pas toi le senteur, t'es pas censé avoir des super oreilles. Ouais. Pourquoi ils sont là derrière vous? Ou bien c'est le colis vivant qu'on a entendu de côté. Mais sinon, peut-être juste qu'ils sont planqués quelque part, ils nous attendent. Hein. Après, c'est pas forcément malin de pas nous avoir attendus devant la porte, mais je pense qu'il faut faire comme si on était face à des gens très bêtes. Genre, imaginez, il y a un deuxième équipage du Faucon Millennium. On n'est pas dans la merde. En fait, je vous ai préparé effectivement un classique dans le jeu de rôle, c'est la rencontre miroir. Quand vous rencontrez des gens qui ont exactement vos aptitudes, ça doit être ça, à mon avis. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont complètement cons. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un super sexy qui sait manier les armes. Oui, j'ai hâte de rencontrer un effectivement. Ça doit être leur capitaine. Très bien. Est-ce qu'on peut check la pièce en face? Juste, on n'est pas obligé de tous y aller, mais. On peut passer à la pièce qui est ici, donc du coup, à gauche. Ouais, celle-là et celle derrière, ou celle qui est au fond. D'accord. Alors en fait, du coup, Émir s'y dirige après t'avoir entendu. Il se cache complètement dans le coin ici de l'établi et de la porte. Un petit peu accroupi, il tape le code, la porte s'ouvre et la pièce est vide. Ok, c'est bon, on ferme la porte. Ça pourrait faire une loot. Très bonne chose pour récupérer le vaisseau. Attends, mais non, on ne peut pas looter ce vaisseau s'il est censé être un. On peut le revendre après. Du coup, Émir referme la porte Et pris d'un peu plus de confiance, il avance vers le centre de la pièce, au niveau des caisses. T'as dit de vérifier l'autre pièce. Laquelle? Celle du bas. Et il n'avait pas compris. Celle du fond. Il essaye d'ouvrir la porte, et quand il tape le code, la porte ne s'ouvre pas. Donc ils ont changé des codes, mais pas tous. Je comprends pas, c'est bien le bon code, pourtant c'est le même code sur toutes les portes à l'intérieur. Bah, bravo, je peux essayer, moi. C'est quoi le code? C'est 8845. Et qu'est-ce qu'il est censé y avoir derrière cette porte? C'est là qu'on a nos équipements pour la configuration et le paramétrage des moteurs. Est-ce que je peux essayer juste de pianoter un peu sur le panneau de commande? Ou alors, non. Je le dis à personne. Non, en fait, je le dis à personne, mais je m'approche un peu comme un enfant, tu vois. Et genre, je vois les boutons et moi, j'ai envie d'appuyer dessus, forcément, quoi. Sur les boutons de... Alors attends, sur quel bouton, du coup sur l'espèce de clavier où il y a les chiffres pour entrer le code, en fait. D'accord, ok. Eh ben là, vas-y, alors, tire-moi un dé. Tu peux utiliser mes dés de... De ta compétence malchance bienheureuse. Tout à fait. Donc c'est 8 des 6, hein, c'est ça? Tout à fait, et 1 des 4. Alors 8 des 6, je fais... Alors, 32, c'est un chiffre monstrueux. Et 1 des 4, c'est 1 et 2, ça serait positif. 3 et 4, ça serait négatif. Ok. Non. Parfait. La porte s'ouvre, mais par un heureux hasard, elle ne s'ouvre qu'à moins d'un mètre du sol. Pas tout à fait. Mais vous voyez des jambes en dessous. Oh, j'ai le moment pour la taillade. Comment est-ce qu'il a fait mon personnage? Attends, il a pianoté sur le clavier avec un air très enfantin, et la porte s'est soudainement ouverte. Tu as eu l'air très très satisfait, et par chance, la porte ne s'est pas ouverte entièrement. D'accord. On peut voir leurs bottes. Ah, vous pouvez voir leurs bottes, mais eux ont constaté que la porte s'était ouverte, et ils se sont mis sur les côtés de la porte assez vite, mais vous avez vu qu'il y avait du mouvement derrière. Ouais, mais... Vous avez vu au moins deux paires de jambes. Est-ce que je peux demander à Ymir d'essayer de voir s'il ne reconnaît pas les bottes, si c'est son crew ou si c'est bien les... Je ne reconnais pas les bottes, non. C'est pas les bottes d'Iconi. Matt, est-ce que tu as une petite grenade, un truc comme ça? Un truc fumigène, je sais pas, quelque chose? Un détonateur thermique? Il faudrait éviter de nous envoyer dans l'espace. Je peux bricoler un petit fumigène avec quelques trucs. Je vais essayer, je suis pas très doué. Avant qu'ils finissent de faire leur préparation, je me baisse sous la porte et je fais coucou et je fais « Bonjour là-dedans !» Il y a un laser qui passe à 2 cm de ton nez. Ok. Sur le sol. J'attrape... Ah ouais. J'attrape un peu plus costaud qu'un fumigène. Hein, J'attrape Adrien, je le fous dans un coin. Je regarde le mur, les mains sur la tête, et tu bouges plus tant que ton bac de l'époque. Tu l'enfermes dans la pièce de tout à l'heure, j'étais dit. Ok, c'est très simple. Matt, tu fais le truc. Oui. Funeli, tu gardes le couloir qui est derrière nous. Avec Zimnut, Tuki, tu surveilles Adri. Ah oui, parce que je suis une nounou. Et moi, je surveille. Ok. Pourquoi c'est pas toi qui surveille? T'es nul en combat de toute façon. Tu fais capturer par un gang l'autre fois. Mais toi, tu es très fort, tu peux mettre Adrien à terre. Ouais, mais je préférais mettre les gugus aux bottes à terre plutôt. Plus intéressant. Non, mais. Là, c'est juste le temps qui prépare. Là, c'est juste le ouais, temps c'est qui bon, prépare. C'est bon, je râle, mais je vais le faire. J'ai du mal à savoir si t'es en train de roleplay ou pas là. Au début, j'ai sorti ma vivre là, mais je surveille le couloir. Tu surveilles le couloir vers en haut, en fait, c'est ça? Vers la tête du vaisseau? Ouais. Ok. Même si en vrai, je suis assez tenté de pas du tout suivre les instructions, parce que les mecs sont juste à côté, ils nous entendent, quoi. Non, mais on chuchote. Non, mais... Oui, ils savent qu'on est là, et qui d'autre aurait ouvert la porte? Moi je dis, pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas les plus petits passer sous la porte et s'occuper de ceux qui sont, vu que la porte n'est pas encore complètement ouverte? Parce qu'ils vont te tirer dessus avant que tu passes! T'es petit, mais t'as vu la taille de tes fesses. Limite, avec ta lance, tu les lardes. Je vous demande une petite seconde. Je vous demande une seconde, mais allez-y, continuez de discuter. J'ai pas qu'il est censé faire. Un blaster aussi, c'est quand même plus efficace qu'un couteau si je dois tirer en dessous de la porte. Après, on peut les appâter. Venez, on a quelque chose. Mettez vos potes. On peut jouer avec l'effet de surprise, ils s'attendront pas à ce qu'on passe avec la porte qui est à moitié ouverte. Bah, l'autre, il l'a déjà fait, ils l'ont bien vu, maintenant ils vont s'attendre à tout. Bah oui, et tu crois qu'ils sont pointés où leurs blasters là? Après, si tu as envie de mourir, vas-y. Du coup, je fais un lacrymo, hein? Non? Ouais, oui, oui! Un lacrymo et puis on envoie ceux qui ont des casques. Oui, c'est ça. Ok. Toi, tu y vas. Bah, c'est-à-dire nous deux, quoi. Bah, allez, ils ont des casques ou pas, les pirates? Emir, ils avaient des casques? Désolé pour ce problème technique. Alors, si vous avez décidé d'un plan à suivre. Est-ce qu'ils avaient des casques? Est-ce qu'ils avaient des casques? Oui, Emir, dis-nous, mais c'est le casque, les méchants. Non, de souvenir, seul leur chef avait un casque. D'accord. Ok, bah go avec ta petite lacune. Bon, je tente de fabriquer un fumigène, enfin, un lacrymogène avec des talons de chimiste. Donc, fais un truc bien solide, quoi, qui tombe à terre s'ils ont de la. Ouais, truc. Bon, c'est 2D6, hein, je garantis rien, c'est ça. Vas-y. Ouais. Magnifique. Un 10, donc. Donc tu lances ton fumigène. Respire la fumée. Je te propose. c'était 1D, c'était 2D effectivement. Tu lances du coup la fumigène sous la porte et vous les entendez tousser et la fumée s'échappe par en dessous de la porte et commence à vous. Fallait fermer la porte. À vous gêner aussi. Moi, je prends Adrien et je le jette sur le panneau de commande. Bidouille ton truc, là. Fais ton machin. Je me tourne vers Tuki, je fais « T'inquiète, je gère. » Et j'appuie sur n'importe quel... Enfin, sur tous les boutons en même temps. Non. Vas-y. Non. Alors, je refais un jet, du coup. Ouais, 8d6, du coup, et 1d4. Je fais 22. 22, ce qui est un score assez moyen, mais... Enfin non, c'est un score énorme, en fait. Hein, c'est monstrueux, 22. Mais moyen par rapport au nombre de dés que tu as. 1d4. Et la porte s'ouvre en grand. La porte s'ouvre tout d'un coup en grand, et Adrien, tu reçois tous les gaz lacrymogènes sur toi dans les yeux. Ce qui t'oblige, en fait, totalement gêné et désorienté, tu vas vers le milieu de la pièce en haut. Moi je le suis parce que j'ai pas envie de prendre les trucs dans la face. Est-ce que je fais un peu comme Jar Jar, tu sais, genre quand il en plein milieu, tu sais, des champs de bataille, il agite les bras, il saute partout. Ah, c'est à peu près ça qui arrive, oui, effectivement. Ok, moi je le suis pour limiter les dégâts. Du coup, Tuki, tu suis Adrinap, pas de problème. Ouais, et je dis au capitaine et à Funelli de foncer dans le tas. À côté de là. Techniquement, il n'est pas censé me gêner, moi. Comment? Ouais. Funelli, tu disais? Ah, que moi je disais, je vais m'arraser des pirates. Tu rentres dans la pièce, du coup? Ah ouais, moi je n'ai pas d'armes et tout, c'est la bagarre. Tu n'es pas gêné par ton casque. Tandis que Emir, lui, se recroqueville ici, complètement désorienté et les yeux en train de saigner, tellement il s'est pris tout le gaz dans la gueule. Et c'est pareil pour Matt, d'ailleurs. Matt, qui était devant, puisque tu as lancé la grenade. Tu te retrouves désorienté et de la même manière, tu montes au centre de la pièce en haut. Gruche, tu fais quoi, toi, qui ne peux pas être impacté? Tu fonces dans le tas aussi? Moi, j'étais devant la porte aussi, donc techniquement, quand la porte s'ouvre, j'en ai un. Et ton casque, il sert donc à quelque chose. Il n'est pas que pour le cosplay, rassure-moi. Tu peux entrer, il va filtrer l'air. Il s'ouvre, normalement, il me filtre l'air. Enfin, je veux dire... J'ai une dernière question. Ximnut, tu étais où? Ximnut, est-ce que tu étais resté derrière ou est-ce que tu t'étais déjà orienté vers le haut? Bon, Ouais, il me semble que j'étais à côté de, j'étais du côté de Funeli, mais je sais plus où est-ce qu'elle était. Ouais, Funeli. C'est ça, mais Funeli était à distance de la porte du coup, puisqu'elle surveillait vers la tête du vaisseau. Donc tu n'es pas impacté ou très peu, et tu peux te diriger avec tes compagnons qui eux sont en train de crever sur place au centre de l'autre pièce. Parce que il y a eu un magnifique retour de situation, un retournement de situation. Funeli fonce dans le tas et Grushkov aussi. Je vais vous demander, vous avez vous entrez dedans, vous détectez donc deux individus. L'un est adossé contre le mur, en train de se frotter les yeux, tandis que l'autre a carrément le dos tourné et ne regarde même pas vers la porte. Il essaye simplement de cracher tout ce qu'il peut. La bagarre. J'étais plus près, donc c'est. Ouais, Grushkov, du coup, tu vas taper sur celui qui est adossé contre le mur et qui était le plus près de la porte. Ouais. Vu qu'il est. Écoute, je lui tire dans la tête. tu lui mets le blaster sur la tempe, quoi, à ce niveau-là. Ouais. Bah, malgré tout, ça ne t'empêche pas de devoir faire un G, quand même, de fana d'aventure. 3d6. Exactement. À bout portant, est-ce que j'ai un bonus? tu as un sacré bonus et tu fais un sacré score. Et donc tu poses dans le plus grand des calmes ton blaster sur sa tempe et tu l'abats de la manière la plus déshonorante qui puisse être vue sur le vaisseau. Et au moins je l'ai pas eu dans le dos. Hein. Non, tu l'as eu de face, mais il te voyait pas à mon avis vu comme il se frottait les yeux. Ça change pas grand chose. Funeli, tu entres dans la pièce, tu passes à côté de Grushkov qui s'apprête à tirer lui de son côté et tu vois un adversaire qui est de dos et qui est en train de se tenir le visage. Son arme est au sol. Il est non, il est entre les deux chaises de droite là. Oh, c'est pas drôle. Mais après la pièce est petite hein, malgré tout. Ouais, mais ça aurait été beau de juste le pousser contre le mur. Ouais, en fait, c'est ça, j'ai envie de le pousser et de lui montrer la tête sur le mur, tu vois. Ouais, tu peux, on peut faire l'action, hein, vas-y. La bagarre. Du coup, j'utilise Mandalorian, donc c'est 4d6. Un score énorme, vraiment énorme en fait. tu lui attrapes la tête et tu lui enfonces dans le mur. La trace de sa tête déforme le métal du vaisseau. Tu as du boulot, super. Pourquoi j'ai pas le droit de faire péter des trucs. Par contre, elle a peut défoncer le mobilier, c'est pas grave. Il est probable que si ton intention était de seulement l'assommer, tu l'as tué malgré tout. Tu as été un peu violente, 17. C'est leur Miguel. Donc. Ah, je voulais en garder au moins un pour l'interroger, mais je crois que c'est foutu. Pendant ce temps, pendant que vous vous bagarrez en bas, les deux portes qui sont à droite et à gauche de la salle centrale s'ouvrent soudainement. J'avais dit qu'il fallait quelqu'un pour te garder le. Et deux hommes de chaque côté. Et deux hommes de chaque côté apparaissent de chaque côté de la porte à l'intérieur des deux pièces qui mènent sur les deux passerelles qui sortent du vaisseau. Il y a 4 gars en tout, c'est ça ? C'est ça. 4 gars en tout. À droite, à gauche, vous êtes au centre, un peu éparpillé. Surtout Matt et Adri qui sont complètement aveuglés par le gaz de Matt, qui est très efficace. Hey, 10 minutes pour prendre saut de gauche et je prends saut de droite, ça te va ? Hey, je crois qu'on n'a pas beaucoup le choix. Alors, ouais. En fait, pris dans l'embuscade, l'un d'eux a le temps de lancer sur le sol ce qui ressemble fort à une grenade. Ah bah super, sympa l'accueil. Alors, est-ce qu'elle tombe près de chez nous, de nous deux, ou est-ce qu'elle, je veux dire, voilà, est-ce que c'est atteignable ? Elle tombe au centre du groupe, plus proche de Adri, je dirais. Adri, est-ce que tu veux bien me faire ta malchance, bien, s'il te plaît ? Ouais, parce que j'ai envie de dire, Ximnu, tu utilises ta lance comme un club de golf et renvoie leur sac. C'est exactement ce que j'avais proposé. Parfait. 8d6, je fais 23, des scores beaucoup trop gros, mais qui s'attend au contraire. Et donc 1d4, 1 et 2 ça gagne, 3 et 4 ça perd. Je fais 4. tu vois l'objet rouler à tes jambes et qui explose immédiatement. Tu te retrouves propulsé à travers la pièce et tu perds connaissance contre la table de jeu. Mais c'est pas vrai. Moi je dirais que c'est un mal pour un bien. C'est vachement ironique parce que c'est quand même un passionné d'explosifs de se faire lamer la gueule par un explosif. Ah. Voilà. Tout à fait. Belle ironie. Il a perdu conscience. Ah, tant mieux. quel exemple de solidarité dans cet équipage, j'en suis. Il est moins dangereux pour lui-même aussi, c'est pas forcément mieux. S'il est assommé, il a moins de chances de mourir. En plus, ça lui fait un jour de repos, voilà, il a de la chance. N'empêche, les gaz de maths sont terribles. Il est capable de passer en congé non payé. Ça sera son jour de congé. Du coup, Tuki, qu'est-ce que tu fais? Du coup, il n'y a plus de grenades, alors moi je vais attaquer les gars qui sont plus proches de moi. D'accord. Je considère que tu peux atteindre la porte de gauche aisément si tu veux y aller, ou te mettre à couvert où tu veux dans la pièce. Qu'est-ce qu'ils ont comme arme exactement? Ils ont l'air d'avoir. Trois d'entre eux ont l'air d'avoir des blasters, tandis que celui qui avait une grenade, tu n'as pas déterminé ce qu'il avait à part la grenade. Est-ce que je peux me déplacer un peu dans un coin et essayer de tirer de là, ou je peux faire qu'une seule action? Tout à fait, je pense que tu peux te diriger légèrement vers l'établi en bas et tu auras une bonne vue sur ceux de gauche. Voilà. Ici. Je vais là. Et je peux tirer? Et tu peux tirer, vas-y. Tu as une bonne vue sur l'un des deux mecs, je pense, d'ici. Il se croit à couvert, mais c'est faux. Et en plus, toi, tu es plus à couvert que la moyenne, puisque tu es plus petit. Eh, c'est bon là, hein? On va pas parler des pailles. Qui est un avantage ici, bien entendu. Mais c'est pas la taille qui compte. 4d6, du coup. 4d6, la violence de la bagarre. 14. Alors, excuse-moi. Ouais, bon. Non, mais ça aurait été compliqué, mais je dois le faire pour le geste. Oui. Pour le geste. 14, c'est un énorme jet et je considère que tu le touches et qu'il tombe au sol directement. Tu ne sais pas s'il est mort, tu ne sais pas s'il a perdu conscience, mais en tout cas il est tombé au sol. Yes, et de 1, à toi, 10 minutes. On est très nul mais très très fort pour la bagarre. On n'est pas très équilibré comme équipe. Il est où Matt exactement dans la pièce là? Parce qu'il faut pas qu'on... Il a pas été projeté par l'explosion lui. Matt, il est contre les coffres au milieu, il a pas été projeté par l'explosion, il a juste senti la chaleur assez fort quand même. Je suis fuck dans mes propres gaz. Il est de quel côté quel côté des coffres? Vers le... Tuki ou de votre... Du côté de Tuki. Ouais. Finalement, ça veut dire qu'il se l'est protégé des deux autres gars s'il est derrière le... S'il est derrière les coffres, donc... Oui, il est assez... C'est mieux qu'il reste là. C'est ça, ouais. Mais ça, c'est pas dit qu'il reste là, il y voit rien. Mais bouge pas, Matt. Allonge-toi par terre. Ok. Donc ouais, à part les coffres au centre de la pièce, là, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, je sais pas, un truc qui sort de l'ordinaire. Strictement rien. Il y a des coffres, il y a une bonbonne, un espèce de coffre rond près de la table de jeu. Qui contient probablement de l'oxygène pour le vaisseau ou quelque chose comme ça, tu sais pas trop. Non, allez, arrête. Et y a un des coffres a explosé et à l'intérieur se trouve une espèce de sable en fait. Tu sais pas trop ce que c'est, mais probablement la cargaison que transportait le vaisseau tout simplement en tant que cargo. Les coffres sont sûrement pas des vivres pour le vaisseau, mais de la marchandise en fait. Transporter du sable, il avait peur de rencontrer Dark Vador ou quoi? ouais, ça me semble un peu compliqué d'attaquer deux mecs juste avec une lance, donc je pense que je vais me mettre dans un trou aussi. Il en reste plus qu'un. Ah mais je croyais qu'il y en avait deux de chaque côté en fait. Ouais, mais les autres, ils sont de leur côté pour l'instant, de l'autre côté des caisses. Donc on peut s'occuper de ceux de gauche, puis Ah partir oui, en c'est droit. pas con ça en fait. Bah à ce moment-là, oui, c'est vrai que je. Il s'attend sûrement pas à se faire sauter dessus par une boule de poils, donc voilà, je me précipite sur lui avec ma lance vibro-lame. Tu as une lance vibro-lame, c'est magnifique quand même. Tandis que Matt crie stop le zizi. Très bien, vas-y. Fais ton action, je suis totalement d'accord. Donc sur un mec de droite, du coup. Hein. Ou à gauche aussi. Non, le dernier qui reste, qui s'est pas fait buter Ok, à gauche, ouais, très bien. Donc, ben, 4d6 alors. C'est ça. Ouf. Ok, excuse-moi. 10 pour le chat. C'est pas Il a mal. fait 10 du coup. Et mais en face de lui, il a un cancre, donc tout se passe très très bien. Oh, 2-1, ça fait mal quand Le mec, il a fait 2-1. Ouais. En fait, en voulant t'éviter, dans le stress, son mouvement, il s'embroche un peu sur ton sur ta lance. C'était totalement T'as prévu. poussé un petit peu plus. C'est ça. Et tu as visé une partie du corps en particulier? Les jambes, je me roule en boule pour le faire tomber et pour ensuite le planter avec ma lame. C'est ça. Et donc tu roules, tu passes, il va tomber au sol, effectivement, en se blessant, en se cognant la tête. Et ensuite, tu lui plantes les jambes, enfin, tu lui plantes les jambes au niveau des hanches, tu enfonces ta lance. Ça ne l'a probablement pas tué. Pour autant, il lâche la grenade qu'il avait dans la main, lui aussi. Est-ce qu'elle est activée ou non? Oui. Alors, je sais pas si on peut tenter le truc du club de golf qu'on suggérait au début pour la balancer sur les deux autres, mais bon, on peut voir ça après. D'abord, Matt, est-ce que tu essayes d'entreprendre une action? Tu auras juste des malus sur tes actions, je considère. Parce que je suffoque. Tu suffoques, ouais, c'est une lacrymo un peu violente, donc je sais pas comment. C'est moi qui l'ai fait. Je sais pas comment est constitué un Jawa, mais j'imagine que tu as les yeux qui piquent. Tu as peut-être la possibilité de te soigner de ça, je sais pas. C'est toi qui l'as produit. Il y a un bon petit coup d'alcool corallien. T'as un steam. Du coup, il verra flou et flou par-dessus. Dans ton inventaire, t'as un steam. Tu as un steam, oui, Ouais, tout mais à je vais fait. peut-être pas le gâcher quand même. Qu'est-ce que je peux me désinfecter les yeux à l'alcool? Quoi? Je l'ai rincé avec mon whisky. C'était qui le celui qui d'entre vous qui pouvait faire des soins? C'était Exim, non? Ouais. Ah oui. Mais lui, il a des champignons. Ouais, j'ai Et pour l'instant, on a la grenade Chenille et là. moi, on fait quoi du coup à ce moment-là? J'ai pas parlé avec Vous allez, vous avez tué les deux mecs, vous allez remonter, ça va être à votre tour de jouer juste après Matt. Bon, on va sortir du truc, il y aura tout le monde qui sera mort. Genre tout le monde, mais vraiment tout le monde. Ah, ça fait J'ai moins le pas doute à parlé avec partager. pour l'instant. Ton malus, il est dindé sur tous tes dés, Un sur tous dé tes sur tous lancers. mes dés, ok. Ah non, remarque, je te dis ça, mais il n'y a aucune raison que ton penchant pour la boisson puisse être impacté, donc celui-là va rester. C'est plutôt ton sens de la répartie et ton as du système et ta compétence de Ben chimiste qui je sont me impactés. nettoie les yeux au whisky corallien. Non. Charbonnage. Écoute, c'est toi le chimiste, tu sais ce que tu fais, mais du coup, j'ai envie de te dire, on va prendre la compétence as de l'alcool, enfin, c'était pas as de As l'alcool, de penchant pour la boisson. As de l'alcool marcherait tout aussi bien, j'ai envie de dire. Je sais que les composants du whisky corallien peuvent annihiler l'effet du gaz. Ouais. Donc c'est un 3d6. Quelle chance que t'avais une étendue et une gourde pleine à chaque fois. Ah bah, toujours avant de partir en mission. Et pendant et après. Donc j'ai fait un 11. Alors, tu as fait un 11. Allez, je suis sympa, on va dire que tu ça fonctionne, ben, tes talents de chimiste dépassent la compréhension de tes compagnons. Et effectivement, tu te soignes avec de l'alcool corélien. Alors soigner, c'est un grand mot, hein. Disons que par un effet de brûlure plus intense encore, au moins tu y vois quelque chose. C'est ça, dans la douleur. Et tu y vois quelque chose et tu n'auras plus de malus pour le tour prochain. Pendant ce temps, Emir, lui, ne bouge pas. Il est recroquevillé ici. Il est en train de crever de suffocation sous le gaz lacrymogène. Il pleure fort, il pleure. Je propose qu'on fasse rien du tout pour lui. C'est marrant parce que c'est marrant parce que c'est juste votre client quoi, mais bon. Le capitaine Koff, que fait-il ? C'est lui qui a voulu venir. C'est moi qui sors d'abord. Qu'est-ce que je peux voir depuis la porte ? Depuis la porte, là, tu vois juste Emir qui est en train de pleurer dans son coin, Matt qui est en train de se foutre de l'alcool sur les yeux. tu vois derrière les caisses, tu vois pas bien, mais tu crois comprendre qu'il y a Adrien complètement sur la table au fond là-bas, qui a l'air désarticulé et qui ne bouge pas. Et c'est tout ce que tu vois en fait. Hein. Ah si, et tu vois aussi Tuki qui vient de tirer un tir de blaster, parce que toutes les actions se passent plus ou moins en même temps, bien sûr. Ouais, mais du coup, je vois aucun autre ennemi. Non, les ennemis sont à droite. On s'en doutait. Elle est où la grenade, par contre ? Elle est à gauche, au pied de Ximnut. Ouais, du coup, je peux pas l'avoir non plus. Hein. Tu peux pas l'avoir non plus. Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais me mettre à couvert près des caisses qui sont en bas, là. Oui, tout à fait, histoire de jauger la situation. Et tu remarques très vite qu'il y a les deux mecs à droite, hein, que tu peux tirer si tu veux. C'est encore pire que ce que je pensais. tout se passe très bien, tout est sous contrôle. Oui. Je peux rien faire d'autre. Je considère que tu peux prendre une action complète, donc tu t'es déplacé là et tu peux tirer au blaster si tu le désires, si tu arrives à toucher les mecs qui sont à droite. Tire sur la grenade. Quand est-ce que la grenade elle va exploser, ouais. Ça va être autour de Ximnut. Pendant ou... Genre, est-ce que lui il pourra faire quelque chose avec ou pas ? Il pourra faire quelque chose avec. Les actions sont simultanées. Hein. Vous êtes pas vraiment chacun votre tour. En fait, tout se passe un peu en même temps. Donc Ximnut va réagir juste après que toi tu sois arrivé là en courant, tu vois. Ok. Est-ce que j'ai le temps de comprendre ce qui se passe et de dire à Ximnut de jeter la grenade là où il y a les gars ? Mais il a déjà prévu de faire ça. Il a déjà prévu de faire ça. Oui, cependant, Ximnut ne voit de pas les mecs parce qu'elle est. Ses mains. Ah, parce qu'il y a les caisses au milieu. Ximnut n'est pas bien grand. Il y a moyen qu'il ne voie même pas les mecs de l'autre côté des caisses. Non, mais c'est pour ça que je lui dis... est-ce que je peux lui dire de jeter complètement de à l'opposé, quoi ? Bien sûr, oui, tu peux. Parce que sinon... il ne peut rien faire d'autre avec son truc. Et je préfère pas qu'il essaye de faire du golf avec. T'es pas joueur, hein. Il est en train de sport au 18. Ça veut dire qu'on en a déjà un qui est dans le coma, il y en a un autre qui est en train de se rincer les yeux. Ça va directement au cerveau. Il passe en mode berserk. C'est pas la première fois qu'il essaye. Ok, donc du coup tu dis ça, mais tu... D'accord. La grenade ! Et donc du coup, c'est à ça que se résume ton action. Tu es sorti en courant, interloqué de voir à quel point tout va mal de ce côté-là. Alors que t'étais très fier de la façon dont vous avez maîtrisé avec Finelli la pièce en bas. Tu hallucines un petit peu de où tu peux jauger enfin de toute la compétence de ton équipage. Je pense que surtout la compétence de la dangerosité d'Adrien. Ouais, il a rien touché. Hein. Pour les plans, capitaine. Mais si, il a ouvert la porte. Ah oui, c'est vrai. Il aura même plus le droit d'ouvrir les portes. Ce type pourrait détruire la galaxie avec un cure-dent. Funelli, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais ? Moi je vais. Resserrer la chemise à carreaux autour de ma taille façon Rambo, sortir de la pièce, choper le mec qui est en PLS, je chope par la veste pour l'éloigner du gaz, genre Et tu le montes vers en haut. La pièce. Je sais pas si je vais le monter vers en haut, mais tu sais, genre la pièce qui est juste à côté. Ah oui, tu peux le jeter dedans et fermer la porte. Tu peux le jeter. Il vous avait donné le code en plus. Voilà, bah, je vais faire ça. Comme ça, au moins, il pourra. 88-15. Il pourra se rincer les yeux et être en théorie en sécurité. Et puis, je vais remonter avec les autres. Quoi? Non, mais du coup, j'ai pas compris ce que tu. Où tu le mets? À gauche, dans la pièce de gauche. Dans la pièce de gauche. Celle où il y avait rien. Ok. Dans la pièce de gauche, elle ferme la porte, et du coup, il se retrouve protégé. C'est fort dommage qu'il n'ait pas d'alcool corélien pour se soigner. Mais enfin, elle a envie de me gaspiller sur lui. Tout le monde n'a pas ce talent de chimiste, faut dire. Je garde mes alcools mentaux pour moi. Et puis, comme je remonte vers les autres, je fais un rallonge. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu encore? On a glissé. Le mot important, c'est le « encore ». Mais en fait, c'est limite à cause de mes gars. Non, toi, tu parles pas, toi. Bah, d'accord. Ouais, mais ça, c'est la force de manger les œufs, hein. Bah, mais le navet aussi, hein. Aucun rapport avec le navet. Ok. Du coup, tu as mis en sécurité le mec. Efficacité militaire. Mandalorian, j'ai envie de dire. Tuki, c'est à toi. Ah. Est-ce que j'ai envie d'attraper la grenade et la lancer? Je sais pas. Elle est peut-être... Un peu loin pour agir, il faut agir vite parce qu'elle va exploser vite une fois que quand l'action. Alors je cours de me cacher derrière l'établi. D'accord, ok. Tu te mets derrière l'établi et depuis l'établi ici, tu as une vue sur au moins un des mecs qui est ici. Hein. Si tu veux essayer de tirer, c'est possible. Ok, ouais. Tu as vu dans le 6. Oh yes. Je sais que j'ai vu dans le 6. Ok, je lance le dé alors. Vas-y. Ça fait tellement pervers avec cette voix. 11. C'est pas ouf, hein, 11. 11, c'est un score totalement honorable, mais ton tir rate. Il se met à couvert au moment où tu tires. Tu ne l'as pas touché. Lâche. Donc il a fait 14. C'est à toi, Ximnut. Bon, bah, dans ce cas-là, j'utilise mes petits bras d'Ewok pour faire ce que le capitaine m'a demandé. Et je leur rebalance la grenade qui est à mes pieds, en fait. Quelle loyauté. Du coup, tes petits bras d'Ewok... Non. Ah bah, ils sont capitaine. Et tu vas essayer de lancer ça par-dessus les caisses et tu ne vois même pas où tu lances la grenade, en fait. Tu veux lancer derrière les caisses. Ok, je vais dire que tu as un malus de 1 et tu vas utiliser ta compétence d'Ewok. Attends, avec ta lance, t'as 4 si tu tentes le swing. Ouais, non, ça m'a l'air. De toute façon. Mais dans tous les cas, il utilise. Dans tous les cas, il y a les caisses. Donc, ouais, c'est vrai. Allez, c'est parti. Oh, ça m'a l'air pas bon ça. J'ai fait 2-1 en hommage au type qui est mort juste avant. C'est ça. Et tu as fait un score total de 11. Au revoir, Jimmy. Mais non. Non, c'est bon. Oh, il relance les nez. Et en fait, ils sont deux, c'est pour ça. Tu arrives à lancer la grenade, mais juste à l'entrée de la porte. Tu fais pas un très beau lancer, mais tu n'arrivais pas à savoir trop où c'était. Mais c'est au moment où l'un des deux mecs se montre pour essayer de tirer, et la grenade explose au même moment, et le mec est soufflé par le éjecté par le souffle. Vous ne le voyez pas, mais il a été projeté contre le mur derrière lui. Mais du coup, c'est caché de votre vision. C'est quoi ces grenades qui projettent les gens et qui les tuent pas? C'est les grenades de mauvaise qualité. Je sais pas, tu demanderas à Adri. Très bien. Du coup, c'est au deuxième... Il m'a appelé. Pas encore, mais presque, bientôt. C'est au deuxième brigand d'Agien. Il va tirer sur Tuki, qu'il arrive à voir. Tsuki, est-ce que tu peux me faire un jet de combat, s'il te plaît? Alors, Résus, ça marche pas tout à fait comme ça normalement, mais là, c'est le bazar. Donc, on va juste faire ça comme ça. Le quoi, 4D? Oui, 4D, tout à fait. Très bien. Du coup, tu as fait un score identique, donc il te touche et tu perdras un dé sur ta compétence. Oh. Sans chaud. Il te touche au niveau de la main et ça te gêne pour tirer. Et toi, je vais te niquer, je vais te finir au couteau, c'est compris? On retombe à Gruche. Bah non, Matt, c'est à Matt. Matt. Il y a Matt, il y a Matt d'abord. Matt, c'est à toi. Tu peux agir. Donc, il y a un mec qui est soufflé dans la pièce de droite. C'est ça. Et un deuxième dans la pièce de droite qui est toujours là. Les deux sont dans la pièce de droite. Oui. Est-ce que je tirerai pas sur la commande de la porte pour les enfermer dans la pièce? C'est toi le mécano. Généralement, on dépressurise et. Je dirais même que c'est ta compétence mécano qui marcherait le mieux pour ça. Ça vous va les autres? Qu'est-ce que tu veux hein? Bah vas-y hein, de toute façon. Moi, c'est moi qui réparerais les gars. Dans l'action, tu ouais, as pensé à ça. Mais et... dedans, qu'est-ce qu'on en fait après? Ça fait un prisonnier, tu voulais pas faire un prisonnier, Gruche? Au pire, on dépressurise la pièce du vaisseau et puis on éclame. Parce qu'on peut la dépressuriser ça. Bah, c'est les deux passerelles, tu dois pouvoir ouvrir les passerelles depuis ailleurs. Ce que je veux moi. Oh, beau gosse. Vas-y, tu fais ça et après tu leur ouvres. Qu'est-ce qu'ils sont sales dans cet équipage, quoi. Du coup, j'ai trouvé la compétence As du système D. Vas-y. Et je tire sur la commande de la porte pour la verrouiller. Du coup, là, ils pourront taper le code, ça marchera pas, en fait. Et c'est parti. 9. C'est pas ouf. Je vais considérer que tu as réussi et que la porte se ferme d'un coup. C'est vachement tolérant, merci. Oui. Il y a un étage dans le vaisseau. Non. Ah, ouf. Non. La suite du vaisseau ressemble à ça. Non, ça, c'est juste une porte d'entrée, en fait, okay, du vaisseau. Okay. C'est ça, c'est... De chaque côté. En fait, c'est un bateau de croisière de luxe. Il y a 5000 personnes dessus. Ils vont finir dans l'espace, les deux, là. Je vais les dégager. Ça sent mon gosse. La situation se calme. Vous êtes un peu plus tranquille. Alors, je veux juste signaler, on a défendu 6, je crois. Donc, oui. Il en reste a priori à peu près 4. C'est ça. Moi, je me relève et puis je fais bravo la team. Ouais, bah merci. Mais c'est bon, bordel. Et puis, il y a moi qui gis sur la table. capitaine, vous voulez pas utiliser votre team pour sauver Adritna? Si, je vais sauver. Sinon, moi j'ai des champignons. Adrien, moi je vais prendre son propre steam pour le soigner. Sinon, je lui donne une bonne rabatte de whisky, ça peut te réveiller. Ou alors je peux utiliser mes champignons douteux. Adrien n'a pas de steam. Il n'a pas de steam, il l'avait utilisé sur toi à la mission précédente. Oui, j'avais bien utilisé sur toi. Bon, bah, Fédéric, tu peux pas lui mettre des grosses claques dans la tronche avec ton truc de mando? Tu lui mets des grosses tatanes? Non, moi je vais lui donner mon style et je vais lui donner une barre de céréales fait maison. Non, mais là, le capitaine donnait son steam là, il faut bien qu'il donne quelque chose. Non, parce que moi je vais donner le mien au gars qui nous paye. Ouais. Mais on s'en fout lui. Alors vous voyez que quand même. Bouclier humain, ça te dit quoi? Vous voyez que Adri a été soufflé par l'explosion et vous voyez quand même qu'il a été brûlé salement sur le bas du corps quand même. Bah il faut un steam là. Il va être trop stylé. C'est le mec qui est fan d'aventure, et donc, je rappelle. Hein. Je commence petit à petit à reprendre connaissance et du coup, qui me donne son steam? Je donne une barre de céréales en mode, tu sais, genre la petite collation, tu vois. Je me redresse sur la table, je croque une fois, deux fois dans ta barre de céréales, je te regarde avec un grand sourire, c'est vachement bon. Par contre, je sens plus mes jambes. Quoi? Est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Et là, je regarde Tuki, je fais... Bah, c'est une bonne question, à vrai dire. Je peux très bien faire sans. Et je, bon, voilà. Je continue de manger ma céréale, mon bar de céréales très content. Bon bah il va bien. Il a l'air de bien le prendre, hein. Ça va plus loin. Ça, c'est vachement bon, ta barre de céréales, là. Bah attends, c'est la recette de famille, quoi. C'était prévu. Attends, quoi? Oh, ah, c'est trop cool. J'avais demandé à Aïka. Quel beau gosse. Va falloir que... Oui. Bah, ça devait pas arriver comme ça, mais l'occasion s'est présentée. Voilà. Et comment tu vas faire pour faire caca maintenant? vrai problématique. Moi, je pense plutôt, Matt, que tu devrais t'inquiéter à comment tu vas devoir réagencer entièrement le faucon millénial pour. Ouais. Alors, pendant que vous faites ça, moi, je vais chercher le gars à l'arrière. Tu vas chercher le gars, tu lui donnes le Steam? Ouais, je lui demande comment ça va. Ça pourrait aller mieux, monsieur Koff, je n'y vois pas grand chose. Non, mais c'est normal, il y a de la fumée. Je sais pas ce qu'ils ont fait à votre vaisseau, mais c'est la merde. je rappelle que j'ai la compétence baratineur et je peux le tenter de voir si ça marche sur lui. Vas-y, tout à fait, tu peux essayer. S'il croit qu'on est des professionnels, tu sais, je vais les faire. Mais bon, alors là, on a rencontré un groupe, ils ont essayé de nous gazer, mais vous en faites pas, tout s'est bien passé. On a réussi à les maîtriser. Vas-y, lance tes dés. Je crois qu'on a une prime d'ailleurs. Une prime d'efficacité. Et plutôt efficace. Il te regarde, dès qu'il commence à y voir un peu mieux, il te regarde et il a vraiment un air un petit peu... comment dire? Plein de... Je trouve pas. il t'admire un petit peu, en fait, à ce moment-là. Tu le vois. Il est plein d'admiration. Il croit vraiment que vous avez géré entièrement la situation. Vous êtes. J'ai bien fait de signer ce contrat avec vous, monsieur Koff. Votre équipe et vous êtes si efficaces. C'est notre métier. Je crois que dans la barre de céréales, et je dis à Emir. Donc, par contre, vos tables elles sont pas très confortables. C'est pas très confort. J'ai une question, comment tu vas te déplacer dans le reste du vaisseau? Eh ben, c'est une vraie question à laquelle il faut qu'on réponde. Parce que... Ça va quoi répondre, moi? Y'a pas des trucs à roulettes dans le coin, genre des diables ou des... Est-ce que les pièces dans la soute, à côté de nous, là, elles ont des répulseurs? Attends, ouais, oui. Cargo, y'a pas un mon charge? Oui, y'en a. Alors, sur les caisses, oui, il y a des petits répulseurs qui permettent de les transporter, finalement, tout simplement. Okay, on ouvre une caisse, on la vide et on le met dedans. Ouais, j'avoue, de toute façon, je voulais inspecter les caisses pour voir ce qu'il y a dedans. Tu ouvres les caisses et en fait, dans chaque caisse, il y a un... Alors, est-ce que l'un d'entre vous a un flair un petit peu de contrebandier ou de... un bon flair, quoi. Je suis chimiste et... et tu es chimiste aussi. Faites... Alors, on va dire que tu vas faire le G. Avec Matt d'abord va faire un G pour savoir s'il arrive à t'aider. Okay. Un G de chimiste. Donc, c'est un 2. Tous tes 6 seront des D'ailleurs, dés qui aideront. Tu t'occupes de la porte, de les évacuer ou pas? Alors, tu n'arrives pas à aider Tuki. Tuki, vas-y, fais-moi ton G pour savoir si tu reconnais ce sable. Je fais un jet de combien? Je fais mon LinkedIn du crime ou... Je pense que c'est du LinkedIn de crime, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ce que je veux dire. 3D. Ouais. Mais... Alors, tu sais pas exactement ce que c'est, par contre, tu reconnais que c'est une drogue. Une grande quantité, d'ailleurs, vu que les caisses en sont remplies. Eh, on va pouvoir se faire une tonne de blé. Bon, par contre, vider toute la drogue avant qu'elle drift, faut tourner dedans, hein. Fini, on va pouvoir faire des gâteaux. Ah, yes. Vous entendez que ça bouge dans la pièce à droite, hein. Vous entendez que le mec, il essaye probablement d'ouvrir la porte. Ouais, j'attends devant la porte, au cas où. Où sont les commandes pour dépressuriser? Avec mon épée prête à faire... Alors, à côté de la porte, il y a... t'aurais pu dépressuriser la pièce en ouvrant ensuite le pad, en fait, le... vu que c'est, les... c'est l'entrée du vaisseau ici. Ouais, mais le pad, mais le pad est explosé puisque tu l'as toi-même explosé. Probablement qu'on peut ouvrir le vaisseau depuis le poste de pilotage, par contre. Comme vous êtes au milieu de l'espace, ça dépressurise. Reste et c'est cher au contact pour que ça... Tu peux essayer, vas-y. Allez, assis du système D, donc 3D6. J'ai pas beaucoup de bol depuis tout à l'heure, ça pue un peu du cul. Voilà, ça pue du cul. Non, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas. Au mieux, t'as failli réouvrir la porte. Ce qui n'est pas terrible. Attention, Qu'est-ce que vous faites ensuite? Déjà, donc, Adri va se retrouver sur une caisse volante, ok? Youhou! Vous avez bien vidé la drogue, hein? Qu'est-ce qu'il a posé sur le... Qui le pose sur la caisse? Funeli, je pense que c'est celui qui était le plus proche de moi et... Ouais. Et bah, c'est la seule personne qui peut te soulever, en fait. Et voilà, c'est ça, c'est la personne qui a... Moi, je soulève qui je veux, mais c'est pas forcément dans le sens où on l'entend. Ça va être trop... Super. Bon, Adri, du coup, tu ne sens plus tes jambes, mais tu te sens un peu vaseux quand même. Tu as reçu un sale coup. Ouais. Bah, je sais pas s'il y a des PV. Non, il n'y a pas de PV, mais est-ce que je perds un dé? Il n'y a pas de PV, mais en fait, tu perds un dé, en fait, comme si tu avais été touché au combat. Ok, d'accord. Parfait. Mais bon, donc, t'en as 8. C'est ça, t'en as 7 à la place de 8. Ça change strictement rien, on va pas se mentir. Ouais, voilà. Ok. Est-ce que vous continuez à évoluer dans le vaisseau? Attends, avant... Bah, moi, déjà, je rejoins tout le monde avec le gars. Oui, bien sûr. Et puis, je vais faire un câlin à Adrien quand même. Non, mais oh, c'est quoi, cet équipage? D'accord, tu lances 3D. Adrien, tu lances tes dés. Tu tues le capitaine sans faire exprès. Non, non. Fais pas ça, non. Bouge pas. Moi, je pense que je vais me mettre du côté de Funeli. J'utilise ma compétence capitaine en faisant ce câlin-là pour essayer de remonter le moral de tout le monde suite à cette rencontre qui s'est super mal passée, tu sais, pour c'est inspirer... C'est une excellente idée. Je t'encourage à... C'est notre compte en banque qu'on veut que tu remontes. Et je fais... on a déjà vécu pire, non? C'est pas vrai. Je fais 10. Et moi, je suis là avec ma barre de soirée. Mais 10, c'est pas mal. Hein. Ça, tu arrives à remonter un petit peu le moral de tout le monde, à chacun de le jauger comme il l'entend. Mais toi, tu arrives à remonter le moral, au moins d'Adri, ça c'est sûr. Ah, moi, j'étais bien, hein, y a pas de problème. Après, j'étais vaseux, mais oui, j'étais bien. Sinon, d'un point de vue moral, Adri Knapp, il est toujours content, donc y a pas de soucis. Alors, juste un truc, le truc qu'on a trouvé dans les caisses, c'est de l'épice ou quelque chose comme ça? C'est de la drogue, genre de la vraie drogue. Alors moi, j'ai quand même des questions pour Emir, parce que on est venu pour un colis et puis maintenant il y a de la drogue qui est dans le truc, qui rentre dans l'équation. C'est plus la même histoire. Je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait de la drogue dans ces caisses. Ce ne sont pas les miennes, mais celles des pirates. C'est quoi votre métier, monsieur? Agent d'intérim. On peut dire ça comme ça. Ok, je pense que c'est un dealer. Non, je ne touche pas aux drogues. De toute façon, la drogue, elle fait partie du vaisseau maintenant, donc c'est à nous. Donc, ouais, oui, y a, ça sera votre bonus pour m'avoir fait venir, je vous laisse tout ça. Genre le bonus, le gars, il savait même pas, c'est qu'ils ont pas loupé. Genre, si on te le laisse, t'allais en faire quoi, wesh? Non, mais surtout qu'on était... Non, mais surtout, faut pas oublier que s'il y a de la drogue impliquée dans le truc, c'est que c'est sûrement vachement plus... beaucoup plus sérieux que ce qu'on anticipait au début. Donc, va falloir quand même revoir cette histoire de contrat. Ouais. Je ne pouvais pas... C'est pas des petits bras qui viennent pour prendre ce vaisseau, s'ils transportent de la drogue. D'ailleurs, il avait dit qu'il y en avait une dizaine. Techniquement, on en a éliminé 6. Ouais, il l'a déjà dit, Matt. Ouais, je l'écoutais pas. Je comprends. Merci. J'ai tellement habitué qu'ils disent de la merde. J'ai sorti une bombe de peinture et sur la porte où les deux mecs sont enfermés, j'ai écrit deux connards. Des connards dedans, ne pas ouvrir. Ok, est-ce que vous allez essayer d'ouvrir la porte suivante qui va vers l'avant du vaisseau? On se prépare avant. Genre on met Funeli et Tuki devant. Ouais, par contre, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui sache faire la bagarre à l'arrière au cas où justement les deux connards arrivent à ouvrir leur porte. J'ai tout pété, ouais, c'est ça pas. Ça, je pensais rester derrière avec Zimnut, comme ça on. Ouais, voilà, parce que le verrou il est pété de notre côté, mais peut-être que de leur côté ils peuvent encore essayer de le voir, quoi. Personne ne va acheter les cabines, hein ? On avance souvent ? Alors, si vous ouvrez la première porte, elle ne pose aucune difficulté et s'ouvre. Effectivement, vous arrivez sur un tout petit couloir avec deux cabines, une à droite, une à gauche, et une porte devant. Vous n'avez pas de... Il n'y a rien de particulier à signaler, si ce n'est que ces trois portes sont fermées, elles aussi, quoi. On peut essayer les codes sur une des portes à gauche ou à droite pour voir s'il y a du monde. Et Emir vous explique que donc à droite et à gauche ce sont des cabines et qu'en face c'est le mess du vaisseau, donc là où les gens se réunissent, mangent et c'est la plus grande pièce avec le cargo qu'on est en train de passer. Il y avait des gens, enfin à part Emir et les pirates. Emir vous explique. Oui, bien sûr, j'avais un équipage, j'avais deux loyaux serviteurs avec moi, mais ils sont décédés quand les pirates ont attaqué. J'ai un plan. Y'a pas de droïde ? Pas sur ce vaisseau, non. Ok. Je sais qu'ils ont laissé en vie mon autre colis. Autre colis ? Enfin, mon colis, celui que vous êtes venu chercher. Ton esclave ? Ce n'est pas un esclave, non. J'ai un plan. Est-ce qu'il y a des caméras dans le vaisseau ? Des caméras de surveillance ? Non, nous n'avons pas de caméras à l'intérieur du vaisseau. Très bien. Alors, moi j'ai la compétence baratineur. Et il y a les gars qui sont derrière, ils sont au courant qu'il y a eu de la baston. Ah, ils ont entendu. Est-ce qu'on peut pas chercher s'ils ont pas des comlinks, ceux qu'on peut voir là, ceux que vous avez tués. Si, bien sûr, ils avaient. Ceux à gauche, enfin à gauche et en bas, vous trouvez un comlinks pour et chaque pièce en fait. Est-ce qu'on leur dirait pas que on se ferait pas passer pour les gars qui. Genre on leur dit ouais c'est bon on les a attachés et tout. Et puis, Le peu que vous avez entendu quand ils ont parlé entre eux ou quand ils vous ont tiré dessus, ils parlaient le basique, donc c'est imaginable. Ouais, et on leur dit pas de nous ouvrir, on leur dit de venir. Ouais. Mieux, Matt il fabrique une mine dans le petit couloir là pour que ça explose quand ils passeront. C'est des humains ? C'est des humains, les gars ? Oui, c'est des humains, oui. Tous ? Tous ceux que vous avez tués en tout cas. D'accord. Au pire, faut faire la bagarre et au mieux, si ça marche, on en aura au moins un des deux éliminés. Mmh. Deux ou trois si l'estimation est faite. Vous avez pas peur que ça leur fasse un peu trop mal, mais bon. Non, est-ce que tu crois qu'ils en avaient quelque chose à faire de te faire mal ? Oh, moi ça va. Et tu sais, je tousse. Voilà, alors eux, ça y va aussi. Ah, ouais, mange ton truc plein de sang. Elles sont très bonnes, mes barres de céréales, ok ? Oui, je confirme. Donc tu essayes de les baratiner, Gruche ? Ouais. Ok, est-ce que... Alors essaye de faire une mine, effectivement. Oui. Avec chimiste ou avec... Est-ce que les autres sont d'accord pour le plan ? Ouais, okay. On a le choix. Parfait. Bah oui. J'adore les francs. Techniquement, je choisis les deux compétences. Je sais pas si... Ouais. Je dirais plutôt que c'est du bricolage, parce qu'il faut que la mine détecte quand tu passes dessus. plus que de... Enfin, la complication, je trouve que c'est plus ça que la partie... Okay. Enfin, est-ce que je peux essayer de l'aider à fabriquer sa mine? Bien sûr. En utilisant ma compétence lesbienne, parce que lesbienne adore le bricolage. D'accord, vas-y. ça, j'accepte l'explication, vas-y. C'est extraordinaire. C'est fou ce qui est en train de se passer ici. Bon, c'est un seul dé, mais on tente. Y'a pas de renard à proximité, ça marche pas. Tu lui sabotes le truc. C'est la merde. Non, tu sais, j'essaye de le backseat et du coup, ça le fait chier. C'est ça. Mais moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Tu retirerais pas un dé. Non, tout de même pas. Allons. C'est un 1 ou c'est un. Bon, t'as de la chance. Heureusement, c'était un truc de soutien. J'accepte que ça. Tout à fait. T'as un autre plan, Bush? Parce que j'arrive pas à faire une mine. Bah alors t'as fait alors. Bah on a des armes. En fait tu ne sais pas si t'as réussi à faire une mine, mais t'as fait quelque chose que tu penses être une mine et tu vas la poser. Tu n'as pas moyen de savoir sauf sans la faire péter sur toi qu'elle est fonctionnelle. Non mais de toute façon on attend derrière hein. Dans tous les cas on joue l'embuscade. D'accord. J'espère juste que ça va pas genre détruire la moitié du vaisseau. Et du coup, on va laisser la mine dans le sas. Nous, on va retourner dans la grosse salle de drogue. Et puis, eux, ils vont exploser dans le sas. C'est ça. Oui, c'est ça le plan. Et puis, on coupe le vaisseau en deux. Et puis, c'est bien. Ok. On n'aurait pas un plan de secours au cas où ils ne nous croient pas. Parce que ça repose sur le fait qu'ils. Bah, si ils ne nous croient pas, c'est pour ça qu'on se met d'abord en position. Et après, comme ça, de toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent venir. C'est tout. Puis voilà, dans tous les cas, on va aller chercher par la position, tu vois. Voilà, c'est ça. Ermite, y a pas un dispositif genre qui ferait des gaz empoisonnés ou des trucs comme ça dans là où on est? Genre, ils pourraient pas activer des pièges à distance? Les méchants. Vous pourriez essayer de regarder, mais. Je sais pas, ils ont même pas changé les codes. Mais je veux dire, votre vaisseau, est-ce qu'il a de ce genre de dispositif, genre Mais pas du tout, pas du tout. Mon vaisseau est pas fait pour le combat. Comment ils se sont fait botter le cul. Et si je rejette du gaz, mais on le balance dans les conduites de ventilation. C'est toi que je vais balancer dans les conduites de ventilation. Le seul gaz que t'as le droit de faire, c'est de l'éboire, ok. Moi, je passerai dans les conduites de ventilation. Hé, on met Rewalk dans la conduite de ventilation. Pour aller voir ce qui se passe devant. Tu vois, ça c'est le plan de secours. Ok. Ok, alors vas-y, Gruche, essaye de les baratiner. Est-ce que les autres veulent pas m'aider, essayer de m'aider, genre... est-ce que Xenu, tu veux pas genre chanter le thème de victoire de Final Fantasy, comme ça les filles vont croire qu'on a gagné le combat. Mais j'attendais du coup, les gars, par association, ils vont se dire, oui, ils ont vraiment gagné. Je sais pas si mon sens de la répartie peut t'aider. Mais si, tu peux... Ton sens de la répartie pourrait aider, oui. Et Funili peut utiliser sa compétence de mandalorien pour faire quoi? Se faire respecter, genre, Et moi, mon LinkedIn du crime aussi, pour ce genre... Je pense que LinkedIn de crime est peut-être plus correct que mandalorien pour essayer de baratiner des mecs. Non, pas pour baratiner, mais pour Faut leur faire croire que tu es leur pote qu'ils connaissent super bien. Je pense que Mandalorian, pour être crédible, c'est plus compliqué. Ouais, c'est trop, j'ai leur numéro dans mon agenda. D'ailleurs, je retire mon casque, hein, vu qu'ils en ont pas. Et j'attendais de savoir si t'allais le faire. Voilà, là, on est mieux, non? Exactement. Ok. D'abord, Matt, imaginons, avec son sens de la répartie. Rien du tout. Et donc il a fait 5, mais il a pas fait de D6. Et c'est les D6 que l'on garde qui rajouteront des dés bonus au G en support. Tuki, à ton tour, 3D6. Tu fais un 6. Merci, Tuki. Un 6. Donc, effectivement, le capitaine Koff aura un dé supplémentaire. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut. Je doute que le thème de la victoire soit très... Eh ben si, vas-y, essaye. Allez, vas-y. Vas-y. Après tout. En plus... Allez, voilà, en plus, donc il a fait 11, un 5 et un 6. C'est un beau score. Donc, j'accepte qu'il y ait un dé. Non, mais après... Ah, on le ferait quand même. Bah, si ça marche pas. Pour le fun. Bah, il pourrait pas mettre. Arrête. En plus, t'es plus petit que lui, techniquement. Non, c'est pas vrai. T'es plus menu. J'ai moins de poils. C'est ça. Ouais, aussi. Très bien. J'ouvre le... Une flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Ok, c'est parti. Allez, est-ce que je fais d'abord le discours et je lance les dés après ? Fais d'abord le discours. Je serai plus ou moins, gentil en fonction de ton discours. Oui. Ok, alors je... J'ouvre le comlink et je fais... Ok, c'est un peu la merde, mais on a réussi à les mettre à terre. Il y a 4 gars qui sont montés et on a réussi à les foutre à terre. Sauf que il y en a un qui arrête pas de se débattre, on n'arrive pas à le maîtriser. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien venir nous aider ? Mais, s'il vous plaît. Donc là, t'as une voix qui te répond et qui te dit... Mais Joka ne répond plus, que se passe-t-il ? Bah alors, ça c'est la mauvaise nouvelle, c'est que il est mort. Joka est mort ? Oui. Mais ils étaient que 4 ? Oui, bah ils visaient bien, enfin, c'est des professionnels, t'as vu leur vaisseau ? Ok, fais ton jet. C'est un super G, là, hein, 26. C'est un 26. Voilà. Et t'entends... J'en ai aucun qui a fait moins de la moitié des Ok, il y a Del qui va descendre pour vous aider. Je reste avec le boss. Ok, ok. Mais sinon, dis-lui que tout va bien pour l'instant. Est-ce qu'il faut qu'on aille vérifier leur vaisseau à eux ou pas ? Ah, en fait, avant ça, t'entends que la porte du sas s'ouvre. Non, bougez pas, on maîtrise, on verra le vaisseau plus tard. Et donc, t'entends la porte du vaisseau, enfin la porte dans le couloir qui s'ouvre, et rien ne se passe, spécialement. Là où vous attendiez peut-être une explosion ou quelque chose, il ne se passe rien. Une action que vous espérez. Je jette 10 minutes dans un compte du ventilateur. Comment on fait qu'ils ont plus que 3 ? Est-ce que tu peux... Vu que t'as fait une action à l'instant, est-ce que tu pourrais pas juste donner l'ordre à Funeli d'essayer de faire ça plutôt ? Ouais, voilà, je dis... Je parle à Funeli, et puis je pointe 10 minutes du doigt, je dis « T'en conduis !» Lance l'Ewok ! Le lancer du wok, c'est parti. Personne ne porte un wok. Allez, c'est cool. Il va dépoussiérer. Bon, mais vous n'en parlez à personne, non ? Pour cette action fantastique. Comment ? Pardon ? Non, je demandais si je lançais des dés pour cette action. Ah oui, bien entendu, tu lances des dés pour cette action. Dès le Mandalorian. 15, c'est un beau score. Et donc, tu lances, la grille était pas ouverte, mais il passe quand même au travers. Aïe. Et Chucky, ouais. Si tu peux, enfin, si vous pouvez, accouche-toi. Sans vouloir te commander. T'es dans le sas discrètement. Ok. Ouais. Ça, il va rentrer, il va regarder devant lui, il va rien voir, il va baisser les yeux, ce sera trop tard, il sera planté. Moi, je me cache dans ma caisse. Hein. Ok. Attendez, est-ce qu'on peut pas mettre la caisse juste en face de la porte et Adrien, il utilise son truc pour faire coucou, pour distraire le gars ? Bah oui, bah ça me va. Buter encore plus ? Quoi ? Tu veux qu'il... Mais non, je suis plus à un moment près maintenant. Ok. Ok, donc la porte s'ouvre. Sur le côté de la porte, il y a Tuki qui attend pour chlasser le mec. Et en face de la porte, il y a Adri. Adri, tu vas me faire un jet de gentil pirate, du coup, pour savoir si tu vas pouvoir aider Tuki. Donc c'est 2 G. Ouais. Le D6, je fais... Tu fais un 6. Tuki, tu vas avoir un dé bonus. Donc yes. tu auras, sachant que tu avais un malus, malus. Bah du coup tu es sans malus, tu es à 4. Okay. Let's go. Et c'est un très bon jet, effectivement, 15. La porte s'ouvre, et effectivement, ce qui se passe, c'est que le mec regarde devant lui, il voit Adri tout sourire, ça le perturbe, et il a même pas le temps de baisser les yeux avant que Tuki lui plante son couteau. Il se fait totalement suriner. Dans la bite, effectivement, ok. Acceptons. La dernière chose qu'il voit avant de crever, c'est un vieux dicto avec la moitié du corps en moins et qui mange un biscuit. Avant... C'est même pas avant de crever, avant de se faire émasculer en fait. Ouais, c'est ça. Il va vraiment vouloir mourir après. Et alors là, le mec donc s'effondre au sol et vous voyez derrière la mine du Jawa, la mine de Matt, qui s'active, mais c'est ridicule, t'as une petite fumée qui sort, ça fait psss. qui s'active en retard et qui marche pas. Ah ouais, marche plus, ta fumigène. Mec, il a cru, on lui avait demandé de faire de la pâte à prout, tu sais. Par contre, okay, le mec, comment? Non, mais parce que la dernière partie, Tuki avait déjà tiré dans la bite de quelqu'un. Ah, je crois que à terme, il y aura peut-être une collection à faire. Il y a un prêt à faire, hein. Je crois que j'avais stabé quelqu'un dans la bite, non? Je crois, oui. Un coup d'épée. Ça me parle aussi. Plus easy, littéralement. Ouais. Ouais. Bah, c'est ça, mais c'est littéralement. Si Matrax s'est fait éclater la bite aussi, ouais. Ah, c'est un grand moment. Du coup, par contre... Le mec en s'effondrant, il a crié de douleur et donc il y a peu de chances qu'on vous croie encore dans la pièce suivante. Mais si, ils peuvent nous croire. T'as quel environ, ça c'est parti en couille, okay. Littéralement. Non, tu leur dis, le mec il a glissé dans le couloir et il s'est cogné le petit orteil. Ah, ça fait mal. Je rallume le com et je dis, mais putain, l'autre crétin. Attends, c'était quoi déjà son nom? Ah, Jenga. C'est à toi de t'en souvenir. Jenga. Oleg, non, c'est pas Oleg. Oleg, ouais. Ouais, c'est déjà. Oleg, il s'est cassé la gueule. Mais non, c'est Emir. Mais non. Ah, mais donc, la pièce. Ah, mais donc, c'est pas qui s'est cassé la gueule? Mais déjà, des petits craflettes. Mais viens, il s'est coupé la bite. Il est dans un tunnel. Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Mais il est complètement con. T'avais dit de venir. C'est le seul compétent ici. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Si vous avancez encore, je bute votre précieuse marchandise. C'est pas l'anneau, on s'en bat les couilles. Mais attends, quoi? J'ai pas fait mon jet. Vas-y, fais ton jet, vas-y. Et t'as un malus de 1. Allez. Parce que c'était vraiment pourri par rapport à tout à l'heure. Mais... Oh la vache! Ok, il a fait 24, ce qui est un score énorme. Wow. Ok, j'ai rien dit. Le mec fait ok, j'arrive. Et vous voyez la porte du fond qui se réouvre. Je fais. On est lié à toi. clairement, moi j'attends à la porte. Vous refermez la porte. C'est ça, c'est dans les jeux quand tu fais venir les mecs un par un. Moi je suis encore là. Hein. Les IA à la con. Ouais, c'est pour ça, comme il y a Adrien qui est encore là, faut fermer la porte avant que le gars arrive. Et okay. Dès qu'il arrive, vas-y, tranche la tête. Adrien, quoi? Vas-y, fais ton jet pour savoir si tu. Non, ça va être Funeli cette fois. Ouais, j'allais dire. La tête, tu l'en veux. Il jette quand même Funeli avec mon 2d6. Ouais, vas-y. Pendant ce temps-là, je suppose que Xili. Ah, tu aides, un dé, allez. Du vas-y, Funeli, fais ton dé de Mandalorian. Le plus beau, là. Franchement, pour la bagarre, vous êtes les meilleurs. T'as vu? Oh la vache! Oh là là. 21. Tu visais quoi? Tu visais la tête? Faut lui trancher la tête. Moi je vise la tête, allez, c'est bon là. Et tu frappes avec quoi ou tu tires avec quoi? J'ai ma vibre-lame. Ah ouais, ah bah tu lui tranches littéralement la tête. Et c'était un. Pour le coup, c'était pas un humain, c'était un Twi'lek. C'était une Twi'lek d'ailleurs. Ça fait plus de morceaux du coup. Et effectivement, puisque tu traînes. C'est drôle de kink. Il y a la tête qui tombe dans ma caisse. Ça, la tête et le bout de ses. Oui, il fait. C'est les coups, ouais. C'est ça. Mais du coup, il reste plus que le boss. Je propose à la tête de prendre un bout de biscuit, mais. Sauf que la porte, il l'avait laissée ouverte derrière lui. Du coup, le boss qui est dans la pièce derrière voit ce qui se passe cette fois. Ouais. Ah, bien. C'est un homme casqué. Je t'y attendais. Il semble avoir une arme. Il semble avoir une armure mandalorienne. Mais elle semble abîmée, elle semble pas entière, et un œil averti comme celui de Finelli voit directement que c'est probablement pas son armure, un mandalorien ne l'en tiendrait mieux que ça. Oh non, il va niquer sa mère. Est-ce que je peux essayer un truc? Ah oui, parce que toi t'es bien visible, hein. Là il voit. Eximnut aussi. Eximnut, oui, qui est toujours dans les tuyaux, ouais, d'abord. Dans les aérations. Eximnut qui est en train de passer au-dessus du boss, ouais, tout à fait dans les aérations. Est-ce qu'il y a moyen d'ouvrir une trappe au-dessus du boss et de le planter? Il va backstab. Il va tellement le backstab. Sur Bayard, Eximnut. Alors, en fait, il y a pas une grille au-dessus du boss, mais derrière lui. Oh, quel dommage. Trop bien. Mais il y a moyen peut-être de tomber derrière lui et d'essayer de le stab, effectivement, le backstab. Tu peux essayer. Pendant ce temps-là, je me tourne vers Emir, je dis, vous avez dit qu'on était des professionnels. vous êtes impressionnants, vous et votre équipage. Je vous ferai grande pub. Alors, vous êtes payant pour quelques mois. Est-ce que... J'espère que vous me mettrez une bonne review sur Uber Mercenary. Bien entendu. Le mec, il passe par une appli, quoi. 5 étoiles, ouais. Tu peux filtrer en fonction du type de mercenaire que tu veux, hein. Plus ou moins sale et tout. Est-ce que Eximnut est encore parmi nous? Je crois que Eximnut n'est plus parmi nous. Oh, je suis désolé, j'avais pas vu que mon micro était en mute. Ah, alors est-ce que tu veux essayer de le backstab? Tu aurais la oui, possibilité d'atterrir derrière lui et d'essayer de lui mettre un coup de lance. Oui, oui, bah justement, donc c'est bon, la grille, je peux l'ouvrir facilement ou il faut que je lance des dés? La grille, tu l'ouvriras, tu vas juste lancer les dés pour voir si tu arrives à frapper l'adversaire. Ok, je pense que ça se fait, voilà, surtout s'il m'a pas entendu. J'utilise mon légendaire sens de chasseur Ewok pour avancer tout doucement, et puis ben voilà, je le plante entre les deux omoplates. Enfin, j'essaye. Ah oui. Tu essayes. J'ai combien de dés déjà? Tu as 4, je crois. Eximnut, oui. 4, tout à fait. Ouais, mais s'il a une armure en Beskar, vaut mieux faire en bas du dos, là où ils ont juste la partie. Ouais, son armure est incomplète. Hein. Il a le cul complètement à l'air et, et il est pas assez bien protégé. En fait. Non, mais disons que ça attire l'œil. Il a l'air comme le même de Doom. Bon, allez. Au pire, ça attira son attention. Tu as fait un 11. Un 11, c'est assez moyen. Attends, bouge pas. Bah ouais, et je fais que des 11. Oh non. Oh là là, il t'a entendu arriver derrière lui. Et il esquive ton coup au dernier moment. Voilà. J'ai quand même... Pardon. Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire, j'en profite pour essayer de lui tirer dessus, vu que ça fait une diversion, quoi. Oui, tu peux. Tu peux essayer de tirer dessus. Dans les fesses. On va dire que... Est-ce que tu avais fait un 6, Eximnut? Tu avais fait un 6, je crois. Ah oui, tiens. Tu avais fait un 6. Oui. Et eh ben on va dire que ça va donner un dé bonus à Tuki, oh là là. Que ça va être un support en fait de l'attaque de Tuki. Il est gentil, le maître du jeu. Parce que... Oh shit! Oh bordel! 3, 6 et 1, 1, on est à 19, c'est un score quasiment parfait. Tu le touches à l'épaule et il prend un dégât. Rappelle qu'il a une armure en Beskar et qu'il ne va pas mourir aussi vite que ses compagnons. Est-ce que je peux demander quelque chose à peut-être Matt, Funali ou Grushkov qui sont à côté de moi? Bien sûr. Leur demander de me pousser à fond avec la caisse pour que je rentre dedans. C'est marrant parce que j'allais te proposer de faire ça. Alors allez-y, allez-y. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton action, Adrien, que tu veux faire? Mon action, c'est... Je vais me redresser dans la caisse parce que j'étais un peu recroquevillé. Je me redresse, je prends la tête de la Twi'lek, je la lève en l'air et je fais... Chargez! C'est horrible! C'est atroce! Tu deviens un projectile avec une tête de Twi'lek coupée dans les mains. C'est ça. Et en fait, à mi-course, je me rends compte que c'est quand même une tête de personne qui a vécu. Et du coup, je la jette sur le côté en mode... Ok, alors, ok, je sais ce qui va se passer. Oh non, non! Je sais ce qui va se passer. Du coup, Gruche, fais-moi un jet de. Capitaine, l'aventure. Fana d'aventure plutôt. Non. Oh, il va shooter dans la tête. Ça va être osciliateur. Il y a un 6. Ok. Ouais. Donc, Adrien, tu vas me jeter 8 dés. Yes. 8D6, je fais 22, pas beaucoup. 22, c'est pas énorme hein, pour 8D, mais ouais. Bon, ça reste des scores monstrueux. 20 et 20 ou plus, c'est absolument monstrueux. Et tu me jettes un D4, s'il te plaît. Alors, oui, c'est vrai que je vais le dire. Je jette un D2. Je crois qu'il y a des D2, en fait. D2. Et en fait, tu rentres dans la pièce en gueulant « chargé », comme ça, avec un air beaucoup trop gentil pour ce que tu peux faire. Et la tête t'échappe des mains. Et elle tombe sur le mec, en fait, alors que t'es en train d'entrer dans la pièce. Et le mec se retrouve avec la tête de son ami dans les mains. Et il est complètement choqué. Et il va avoir un malus pour les prochains jets. Il aura un malus d'un dé. C'est comme s'il avait pris un dégât, en fait. Mais du coup, c'est un dégât psychologique. Tu attaques les gens. Et je l'ai même pas pour tout. Non, juste, ma caisse s'est arrêtée avant, en fait. Oui, mais non, c'est juste que tu l'as attaqué psychologiquement, le pauvre mec. De la torture, littéralement. Tu lui as jeté la tête de son ami dans les mains. Je savais pas, mais Adrien, c'est le plus cruel de tous. Hein, ah bah c'est ce que je constate, oui. Je suis tellement gentil. Est-ce que Matt, tu veux essayer de faire quelque chose? J'ai un porte-face-palm. Je suis un petit peu loin, non? Je peux tirer dessus, quand même. T'as un blaster, tu peux tirer dessus. T'as un blaster à ion, je crois. Ouais. Oui, j'ai les deux, en fait. Ok, bah vas-y. Et j'ai que 2D, hein. C'est pas fou. Allez, je tente, j'ai pas de choix. Sens de la répartie. Allez, je lance les dés. On verra bien. C'est pas fou, tu ne le touches pas. Et en même temps, lui, il est plus qu'à 2D, hein, cela dit. Non, mais tu le touches pas. Funeli. À ton tour. Oh bah écoute, comme moi j'ai filé mon blaster à l'autre qui en fait rien depuis le début, bah je rush. Ah oui, parce que t'as qu'un seul blaster. Et oui. Ouais. J'aurais bien aimé surfer sur la caisse d'Adri pour y arriver plus vite, mais c'est peut-être trop tard. C'est un peu trop tard, et quoique les actions se font plus ou moins en même temps en fait, donc on peut imaginer qu'au moment où Gruche projette Adri, toi, tu as profité pour sauter sur la caisse en même temps. Ah, c'est trop bien. Ouais, je suis une hélice et dégueulasse. C'est trop bien. <Mais vraiment. rire> Oui, en plus, t'as ton... Et tu lui arrives au corps à corps et tu veux lui mettre un gros coup de vibro-sword dans la tronche. Yes. Dans cette tronche. Oh, alors... Mais c'est tellement épique. Mais c'est une équipe. 11. Ah non, je pense pas, non. Et tu lui es, touche au niveau du casque. C'est du Beskar, donc tu ne lui tranches pas la tête comme à la pauvre Twi'lek. Tu lui retires quoi? Non, je lui dis de retirer le casque. Ah oui. Et tu le blesses. Moi, je tiens en joue derrière. Ok, mais ça va être à Tuki à nouveau maintenant de jouer. Est-ce que quelqu'un a envie de savoir qui c'est et pourquoi il est là, ou est-ce qu'on le zigouille? Bah, Funeli lui a dit de retirer son casque. Et pour l'instant, il n'a pas réagi. Immobilise-le déjà. Ok, bah j'y vais au couteau alors. Tu lui cours dessus au couteau. Ouais. Tu le charges, littéralement. Désarme-le. Ouais, ouais, pour le désarmer. T'essayes de le désarmer, d'accord. Très bien, vas-y. Ok. Du coup, 3D cette fois. Bon, c'est un score tout à fait honorable. Il ne peut pas faire plus. Et donc, tu le désarmes. Et il tombe à genoux au sol en disant « Je me rends, je me rends !» T'as pas trop le choix, hein. Pardon, pardon pour votre ami. Le mec horrible, c'est encore pire. C'est encore pire. Adric, il rend les choses encore pires. Magnifique. Donc, il tombe à genoux. Il a l'air choqué. Et il est blessé, il a l'air à la fois choqué et un petit peu traumatisé. Il tient encore la tête de la Twi'lek dans ses mains. Et il ne bouge plus. Je la reprends la tête et j'ai un peu de respect comme ça et tout. Essayer d'écarter les trucs qui trigger le mec. C'est pas une blague. On peut peut-être la faire sécher. Je crois qu'elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. Alors, je vous propose de mettre le son du live. Je vous propose de mettre le son du live 2 secondes. Ouais. Parce qu'au fond de la pièce se trouve un espèce de fauteuil dans lequel se trouve un extraterrestre que vous n'arrivez pas, dont vous n'arrivez pas vraiment à déterminer qui c'est. Et ça va être gros goût et on vient de zigouiller. J'en étais sûr. On est avec le petit personnage. Et d'un coup, vous entendez. Vous entendez ceci. Bernard, bande de frotteurs, c'est seulement maintenant que vous arrivez. Vous vous êtes touché la nouille pendant combien de temps? J'ai failli crever d'ennui. Donc, et vous avez Émir qui arrive en courant dans la pièce, qui a un sourire un peu gêné. Il court vers le petit personnage au fond de la pièce et. Et il se dépêche de lui mettre un espèce de baillon en acier autour du cou. Et vous entendez encore... Vous me ferez pas taire, je suis un fou, j'ai peur de rien. Et toi là, me touche pas avec tes sales pattes, espèce de sac à... Et voilà. Et qu'est-ce que c'est cette merde? C'est le King. Putain. J'ai enregistré des voix cet après-midi. On remercie Adri qui aura joué plus d'un personnage ce soir. Quel plaisir. Bon bah du coup moi je demande au gars qui il est et pourquoi il avait pris le essayer de prendre le vaisseau avec sa bande de pirates. Ah, on savait. Vous voulez prendre cette merde. C'est un vaisseau cargo. On voulait le prendre pour le piller, mais il était vide. Il y avait que cette immondice vulgaire au fond. Si vous saviez, reprenez-le. On n'en peut plus de lui. On n'en peut plus. On a perdu notre vaisseau en essayant d'attaquer celui-là et on s'est retrouvé coincé ici. On n'aurait jamais dû rester coincé ici. C'était pas le plan. Tu veux aussi laisser ton armure, ok? J'avoue. Cette armure, je l'ai eu honorablement au combat. J'ai tué son porteur précédent. C'était qui? Je veux des noms. J'en ai rien à foutre de savoir qui c'était, moi. Mais toi, t'es qui? Attends, une seconde. C'est le moment où j'ai lâché le ward. Le moment gênant du MC. Jean. Marc. Jean-Marc. Je suis Jean-Marc. Du coup, je vais garder ça, tiens. Jean-Marc quoi? Jean, c'est mon prénom. Marc, c'est mon nom. Okay, d'accord. Donc on part vraiment là-dessus. Oui, oui, on part là-dessus, ça me va très bien. Moi, je lui tire dans la tête. Hey, pourquoi tu me voles tous mes kills? T'as déjà buté ma femme, là. Laisse-moi Jean-Marc. C'est moi le chef, c'est moi qui bute les boss. Ok, je veux le double de la part du butin des autres. Mais c'est commun. Non mais c'est le vaisseau. On peut choisir ta loge. Je garde la drogue. Pourquoi il y a toujours le capitaine qui va solo XP? Exactement, mmh. Funny, c'est Jan-Mark. Jan-Mark. du coup, est-ce que je fais un G ou pas? Ah bah oui, tu fais un G, hein. Tu peux très bien te louper. On est dans le cockpit, là? Vous êtes... en fait, vous êtes juste avant le cockpit est vide. Bon, bah, tu juste tu l'abats sur place, comme le chien qu'il est, là. Tu l'abats de manière totalement inhumaine, et ce n'était pas un humain en dessous. C'était quoi? Une espèce que vous ne reconnaissez pas à la peau bleue et aux yeux rouges. Même moi, je ne reconnais pas. Si, si, bien sûr que si, c'était pour plaisanter, c'est un is. Ah. C'est les mecs dans Avatar. C'est les mecs dans Avatar, exactement. Donc, moi, Jean-Marc, mais avec 35 caractères, quoi. Je dis à la Funeli, tiens, voilà pour toi. Tu lui donnes le Beskar, qui vaut peut-être plus que le vaisseau. Oui. Bah non, mais moi, j'étais derrière. J'ai juste buté les gars et qui a refusé de donner son armure. D'accord. Je regarde s'il n'y a pas autre chose que l'armure à choper sur lui. Alors, ils avaient pas mal d'équipement. Lui, il avait une vibro-lame et un blaster complètement customisé avec des petites dorures et tout. C'était lui le chef et il avait probablement une part du butin plus grande que les autres. Ça se voit à l'équipement. Hormis ça, sur les autres débiles, de la même manière, vous aviez des comlinks, quelques grenades. Vous vous êtes rééquipé en grenades. Hein. Ils étaient assez généreux en grenades, effectivement. Il faut qu'on l'ajoute à nos... Je l'ajouterai, effectivement, au stock de l'équipe, et vous réattribuerez ça comme vous voulez. Mais il y a 7 grenades encore. Pendant ce temps, je vais dans le cockpit et je dépressurise la passerelle où il y a les deux connards. Ah oui, tu vas dans le cockpit et tu dépressurises la passerelle. Donc en fait, tu ouvres le pont, en fait, tout simplement, qui va s'ouvrir et dépressuriser la pièce et ils vont être emportés dans l'espace. Ça se passe sans aucun problème. C'était eux les imposteurs. Pourtant, c'est nous qui avons buté tout le monde. Hein. Bah ouais. Et moi, j'ai tué personne. Pour sauver le monde. Alors, t'as tué personne, mais c'est toi qui as été le plus cruel de tous. C'est ça le pire. Moi, j'ai battu le gars pendant les conversations. Tuki a planté son couteau dans le zizi de quelqu'un. Zizi, les couilles, hein, tu peux pas à moitié. Et le plus cruel, c'est Adrien. Je vous rappelle que j'ai détruit les jambes d'Adrien directement avec mon gaz. Ouais, toi, t'as gagné tout. T'as Emir qui vient vers le capitaine et qui lui dit est-ce que on pourrait se mettre dans le cockpit, s'il vous plaît, capitaine Koff, monsieur Koff. Très bien. Non, nous on vient avec vous parce que les négociations c'est toujours pourri avec le capitaine, donc on veut avoir notre mot à dire. Bah, enfin, sauf si vous voulez niquer. Dans ce cas-là, mais peut-être que tu veux l'écouter Carlos Whisper tranquillement. Vas-y, j'utilise Baratino là pour le séduire. Ah, si j'y crois pas, vas-y. Non, on va dans le cockpit. Vous allez dans le cockpit, ouais. La fausse, on appelle ça une fausse tube. De manière poseur, je retire mon casque. Je défais ma cape et j'enlève. Tu défais, j'ai eu trop peur. Oui, quand même. Je pose sur le. Sur un des trois sièges là dans le cockpit, je fais ça donne chaud l'aventure. Ouais. Moi je regarde discretos parce que j'aime bien. Et ça c'est notre quotidien. Oui. C'est impressionnant, c'est... monsieur Koff, mon quotidien est beaucoup plus tranquille que ça. Je voulais vous proposer de reprendre toute la cargaison qu'il y a sur ce vaisseau. Le contrat ne stipulait que vous récupériez que le vaisseau, mais récupérer toute la cargaison en signe de bonus. Je pose mon pied gauche sur un des sièges, je pose mon bras dessus, comme ça je commence à flex en posant ma tête dessus. Je fais Oh là là. Je laisse entrevoir une partie de mon torse. Et je passe ma main dans mes cheveux. Fais ton G. C'est 4, hein. 13. Attends. Je vous demande une seconde, j'avais fait une petite fiche pour Ymir. Je vais regarder ce que je peux bon, mettre en face de ça. 69. Non, je sais ce que je vais utiliser. Là, là, il est peureux à 3. Oh non, il a fait un bon jet. Il a fait un bon jet et en fait, il prend peur et il sort de la pièce. Putain, mais... Capitaine, vous êtes fait coq-bloc. Ta gueule. Je me rhabille. Je me rhabille. Très bien, vous avez... Je remets pas mon casque. Vous avez récupéré le vaisseau. Capitaine, t'es pas si mal. Les négociations n'ont pas duré, capitaine. Je lui mets un coup dans les pieds. Dans les pieds à Matt ? Oui. La bonne ambiance dans le coin. Vous avez donc récupéré un vaisseau cargo qui ne fonctionne pas, mais avec une cargaison précieuse qui se revend probablement assez cher. Ouais, t'inquiète, j'ai des contacts. Et... Est-ce que vous scindez l'équipe ? Est-ce que pendant que vous ramenez le petit personnage et Ymir sur la planète forestière, est-ce que certains restent sur le vaisseau ? Ouais, je vais laisser... Enfin, moi, je reste sur le nouveau vaisseau parce que j'ai pas envie d'être avec l'autre, ça va être awkward. Bah, moi, il faut que j'aille sur... il faut que je pilote. Voilà, c'est ça. Il faut que je ramène le mec. Donc, je sais pas si quelqu'un vient au moins... On peut laisser Adri, je pense, aussi. Adri, le capitaine et... Oui, Adri, il faut que je répare les moteurs. Et qu'il faut que je tire les mecs par-dessus bord aussi. Et Funeli, c'est toi qui décides de ce que tu fais. Faut tâcher tous les cadavres dehors. Viens, Funeli, on y va ensemble. On laisse les guignols. Donc Funeli, Ximnut et Tuki partent dans le Faucon Millénial et partent ramener le Ymir et son colis sur la planète forestière. Puis en plus, Tuki, elle est navigatrice, donc c'est vrai que... Je vous essayez pas... de négocier peut-être un petit bonus Bah, il vient de vous... On a été très efficace. Ouais, je fais des loopings avec le vaisseau. Et... Mais justement... Il n'y a plus, sinon j'arrête. Il a justement... Il vous donne un bonus parce qu'il vous donne la cargaison du vaisseau, alors que c'était ouais, pas prévu. Un bonus sur le bonus, c'est vrai. Un bonus sur le bonus. Peu importe, vous... Ah, j'ai trouvé un truc par terre, tiens, je te le donne. Peu importe, c'est quand même dans son vaisseau. Essayez de voler le gamin. Ah maintenant c'est le vôtre, mais ça ne l'était pas. Le contrat stipulait uniquement le vaisseau. Je vais dire à Funeli, essaye de voler le gamin. Parce que vous êtes sûr que vous voulez voler le petit personnage, franchement. On peut le... Comme ça, on aura la satisfaction de le jeter dans l'espace nous-mêmes. Il a du tout ce truc en plus. Non, mais tu fais comme tu sens. Non, mais par contre, je suis curieux. Du coup, je demande à Ymir s'il veut bien, le débaillonner parce que moi, j'ai envie d'écouter, tu vois. ça a l'air marrant, tu vois. Ah, il peut. Il déconseille de le débaillonner, c'est vraiment un personnage insupportable. Mais si tu veux le débaillonner, Adrien, je te laisse improviser. Ok. Il le débaillonne. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes qui ? Ah, moi c'est fini. Bah... Attends, on est venu. Il y a ton pote là. Je sais pas, c'est ton pote en fait ? Mais c'est pas mon pote, je le déteste ! Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il te veut ? Pourquoi il te trimballe comme ça là ? Mais j'en sais rien, ça fait littéralement 40 piges qu'on trimballe d'un bout à l'autre de la galaxie sans que je sache pourquoi. C'est quoi ces connards ? C'est une majesté importante auprès des siens, on ne fait que le protéger. Il est assez insupportable cependant. Mais vous me protégez quand même ? Je vous ai rien demandé, connard ! C'est le roi des Yoda ! C'est le roi des Yoda ! Vous êtes sûr que c'est une majesté ? Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Et vive la vie dans la galaxie. C'est trop te demander, sac à merde. Et là il le rebaillonne. Il est vraiment insupportable. On est obligé de le protéger. On est obligé de le protéger et de l'amener là où on nous le demande, mais il est insupportable. Mais pourquoi ? J'arrive à me débaillonner et je fais « Fondre un clure de merde à chiottes !» Et il me rebaillonne. Moi j'aime bien. Mais vous lui avez demandé son avis au moins ? On lui a pas demandé son avis, c'est une mission qu'on nous a donnée il y a déjà de nombreuses décennies. Des gens de son peuple. Des gens de son espèce. On remarque. Il a le droit de choisir. Selon les règles. Non, c'est que si on remarque, on peut le libérer ensuite. Selon les règles de son espèce, c'est ce qui est attendu. Nous ne sommes personne Comment pour juger de ça. De son espèce, tu serais pas un tout petit peu raciste toi des fois? Mais pas du tout. Allons. J'ai moi-même un très bon ami Yoda. Vas-y, là, je lui mets une béquille. Ça finit forcément mal. Bon, je propose que vous arriviez à déposer ces deux personnes sur la planète et que vous fassiez l'état des lieux sur ce que vous avez et ce que vous pouvez faire à présent pour la le futur. Elle n'a pas été mise à niveau depuis 5 ans. Attends, j'espère qu'on va récupérer les cautions. Vous récupérez, en fait, en termes de marchandises, vous récupérez pas mal de thunes. C'est Grushkov qui fera la vente prochainement. Vous récupérez un vaisseau. Oui. Il y a la drogue ou on la vend? La drogue? S'il la vend, en tout cas, ça fait pas mal de thunes. Ouais, mais j'ai dit que j'allais la vendre, mais c'est moi qui fais la vente. Comme ça, c'est moi qui partage. Est-ce qu'on la... Oui, mais est-ce que justement tu veux la vendre à quelqu'un de ton carrière de rêve plus tard? Bah ouais. Donc pour l'instant, on la garde. Oui, oui. Pour l'instant, on la garde. On va aller la vendre à quelqu'un que je connais qui crache. Il y a l'équivalent, si t'arrives à bien la vendre, de 4000 crédits quand même. De marchandises. Vous allez la vendre à Donc ouais, ça, c'est quand même pas mal. Ouais. Le vaisseau en lui-même est revendable pour pas mal de crédits aussi s'il est remis en état. Sinon, personne n'en voudra, bien entendu. Ou vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. C'est à vous d'en décider. Pour ce qu'il en est aussi de Adri, il faudra penser à lui faire un fauteuil et à faire en sorte qu'il puisse se déplacer dans Moi, le faucon. Moi, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée, mais ça dépend si vous êtes d'accord les autres. Hors RP, hein. Mais peut-être qu'on pourrait... Attends, du coup, je vais faire en RP. Du coup, à propos de mes jambes qui ne fonctionnent plus, je me disais, on pourrait peut-être essayer d'adapter... T'es un bébé en fauteuil. Vous en pensez quoi? Ce serait une horreur. Déjà qui sert pas à grand chose. Parfait. J'adore ce droïde. Non, par contre, on peut te faire un fauteuil et te faire un bébé de pouce. T'as dit quoi? On peut te faire un fauteuil et t'es un bébé, pousse le fauteuil, tu vois, comme ça t'as pas d'effort à faire. Non, un fauteuil genre qui vole électrique, tu vois. Pas trop bien. C'est. Non mais c'est un fauteuil avec un slot de stromécano comme les vaisseaux, tu vois. Et comme ça, t'es un bébé, il peut aller dedans, tu vois. T'es un bébé, c'est quoi comme droïde, très exactement? C'est un des droïdes qu'il y a dans l'épisode 7. C'est un truc humanoïde. Un vieux droïde humanoïde. D'accord, je vois. Après, on peut prendre les composants et le mettre dedans. Bah ouais, c'est ce que je pensais, on fait un transformer avec un bébé. Comme dans Solo. Comme dans ce domaine, comme vous voulez en vrai. Bah ouais, de toute façon, t'es un bébé, il sert à rien. Ouais, on va dire que la caisse, c'est un peu humiliant quand même. Ah, mais arrête, ça m'énerve vraiment. Oui, pour moi, on peut la fermer. Matt. T'as dit quoi, Matt? J'ai dit comment la caisse, on pouvait la fermer. Bon, j'imagine en tout cas que vous laisserez plus jamais Adri faire quoi que ce soit, même pas ouvrir une porte, quoi. Mais il nous laisse pas le choix. Ouais, je rappelle qu'il l'a fait alors que personne ne lui a dit. Toujours. Il y a Glantine sur le chat qui dit est-ce que si vous décidez de fusionner le faucon et le banta, est-ce que ça devient le fanta? Ouais, on a dit, mais on a préféré ignorer. Moi, je trouve ça sympa, le fanta millénial. On t'a pas demandé ton avis à toi. Moi, j'aime bien. Non, mais. On va le vendre. On peut peut-être ouvrir une succursale de croisière. Non, comme sur YouTube, c'est une sorte de chaîne secondaire. Moi je dis, moi je dis. T'as envie d'avoir des loups vivants qui viennent dans ton vaisseau et qui font être au petit saut sinon ils se plaignent? Moi j'ai pas envie. Bon, bah on peut le faire sauter au pire. Non, et puis on... non, bah on le répare et puis on le revend. On le vend avec la drogue. Ça servira bien à quelqu'un d'autre. On n'avait pas des ennemis sinon? On peut s'écraser sur leur station. Non, à chaque fois, moi je fais attention de ne pas laisser d'ennemis derrière, je sais pas si t'as remarqué. Oui, ouais, mais la dernière fois on t'a sauvé, mec. Exactement. Bah justement, la dernière fois que j'ai laissé des ennemis derrière, vous avez vu ce qui s'est passé. Ouais, du coup, faut pas laisser d'ennemis derrière, effectivement. En termes de gabarit, il est à peine plus grand que le faucon, le machin, en fait. Il est un peu plus gros que le faucon en termes de, ouais, d'espace. Ouais. Il est vachement moins stylé quand même. Faut quand même admettre que le faucon. Alors il est vachement moins stylé. Il faut quand même admettre que le faucon c'est quand même de la chiasse au niveau agencement. Faut pas se le cacher, quoi. Tu parles du vaisseau là. Attention. Et alors en plus, maintenant qu'il va devoir être accessible entièrement pour le fauteuil d'Adri, je vous dis même pas. L'espace perdu. Sinon, Adrien, on le laisse dans le vaisseau, et puis on prend le faucon, on s'en va très loin. Non, mais genre, tu peux pas utiliser des pièces de ce vaisseau-là pour faire des justement des travaux dans le faucon. Ouais, pour rendre le faucon accessible. Voilà. Bah, potentiellement, vous pouvez... Après, on peut le revendre. Pas, tu vois. Comme ça, tu le revends, mais il manque des pièces, mais ils le savent pas. Ah oui. Ouais, ou tu le revends, tu le revends pour la ferraille, mais tu récupères tout ce qu'il y a de récupérable pour améliorer le faucon. C'est faisable. Je vais rétrofiter le faucon avec. Je vais récupérer tous les trucs modernes. Je vais taper tout l'intérieur. Et puis, si on pouvait faire un siège à ma taille aussi. On vendra le reste à la ferraille sans patrouille. À mes potes, ouais. Est-ce que vous avez un fauteuil d'infirmerie dans le faucon? Parce qu'il y en a un dans ce vaisseau. Avec le nécessaire médical. Ouais, on va retaper tout l'intérieur avec le matos moderne. On va faire un flipper avec des gros moteurs. On aura une poubelle, sauf qu'en fait... J'attrape Adri et puis je le pose sur le fauteuil. Je lui demande si ça lui va. Il a besoin de quelque chose. Et après, tu défies des somnifères et bonne nuit, ciao. Tiens, prends la pilule. Très bien, non, bon. On peut faire ça, on récupère tout ce qui est récupérable, puis on peut mettre dans le faucon, puis on vendra le reste. Ça bon. Est-ce qu'il y a des. Tu coupes Funeli. Funeli. Ah non, je demandais s'il y avait des épices avec lesquelles je pouvais faire des gâteaux spéciaux. Ah, des space cakes, du coup, littéralement. Bah si, potentiellement tu pourrais les utiliser, il faudrait déterminer quelles sont les drogues exactement et qu'est-ce qu'elles font. Le mieux pour ça c'est de laisser Matt 5 minutes dans une pièce avec. Juste en prendre des échantillons pour que vous puissiez quand même en vendre la majorité, quoi. Bah ça tu... On garde un kilo, on sait que ça. Pour la route. Ouais, parce qu'il y a bien 15 kilos par caisse, vous pouvez en garder un kilo. Ouais... Et moi j'ai trouvé une idée, si on fusionne le vaisseau au lieu du Fanta là, ça pourrait être le beau con. Heureusement que t'es pas là. Heureusement que t'es plutôt le faux con. Je suis pas là non plus techniquement. Oui d'ailleurs. Mais on s'est pas réunis justement. Je crois que si. On va se retrouver. Ouais. Bon, on s'était réunis. Oui, vous êtes regroupés, hein. On part du principe que vous êtes regroupés et que. J'ai attendu 3 heures avant de te poser sur le siège. On est, de toute façon, on est arrivé au bout de ce que j'avais prévu. J'avais dû raccourcir un petit peu, mais j'espère que c'était fun quand même. Oui. C'est la contrainte de faire un one shot sur une seule soirée. Je suis pas habitué, mais c'était vraiment. En tout cas, de mon côté, c'était fun. C'était C'est génial. Je vois plein d'améliorations possibles si on veut continuer tous ensemble. Notamment sur de ce qu'on voit et ce qu'on partage pour rendre les choses plus claires. Même sur les combats, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Oui, il y a plein. C'est cool. Plein de potentiel. Et je vois qu'il y a encore du monde hein, sur le stream. Il y avait beaucoup de monde. Merci à tous. Hein. Persévérant. Alors, j'enlève juste ma tête de... Jawa. Salut Matt. Oui, moi j'ai jamais remis mon casque à la fin. Je vous ai pas dit c'était moi en fait depuis le début. Ah c'est Matt en fait qui jouait Matt. Ah oui. Incroyable. Oh, c'était terrifiant. Moi je pense qu'on est la meilleure équipe, mais après. Ah clairement, meilleure team. En vrai, Ika, est-ce que c'était vraiment une séance que t'avais prévu que ce soit facile, ou est-ce que juste vraiment on a vraiment pété la gueule à tout le monde et on a vraiment trop bien joué? Alors en fait, je vous avais prévenu avant, si vous voulez mon ressenti tout de suite là devant tout le monde, j'avais prévenu avant que je savais que vous seriez bavard, parce que c'est normal, vous êtes nombreux. Mais en vrai, t'es trop bien joué. Vous êtes nombreux et des podcasters, mais vous avez été encore plus bavard que ce que je pensais. Désolé. Dès le début, on a déjà bien fait chier. Sur le cocon. Et encore, t'as eu raison de nous diriger parce que sinon le petit personnage ça aurait été le 7ème membre. Ah bah clairement, j'ai essayé, même si bon, il est toujours là quelque part dans la galaxie, hein, rien n'empêche de le revoir un jour. Mais en fait, ouais, je pensais qu'il y aurait moins de blabla, même dès le début en fait, hein, il y a eu beaucoup de blabla dès l'explication de la mission. Et je pensais que le combat serait plus long par contre. Ah non, on est insupportable. Ouais, c'est vrai, on est vraiment des bons prendeurs, quoi. Mais tu doutais que ça partirait dans mon sucette comme ça ou pas? J'avais vu la dernière session de faut qu'on lance les dés, donc c'est pour ça que je savais que vous étiez un peu bavard quand même. Puis bon, je commence à rouler un peu ma bosse, donc ça va, mais ouais, effectivement, vous êtes sacrément bavard. Mais c'est bien, c'est fun, franchement, et les combats ont été très rapides, plus génial, que ce qui était prévu. Pour information, effectivement, Adrien m'avait demandé on avait eu un échange sur ce qui pouvait lui arriver. Et j'avais pas prévu que ça se passe comme ça, et en même temps, j'ai pas envie de trigger qui que ce soit, ni dans l'équipe, ni sur le chat, donc je voulais que ça soit quand même soft, entre guillemets, dans ce qui se passe. Oui, non, mais oui, bien sûr. Mais voilà. Ouais, on a bien fait ça, hein. Parce qu'au départ, ce que j'avais imaginé, c'était pas ça. C'était plus gore, quoi. en vrai, c'est cool, je suis content, je te remercie d'ailleurs. Mais il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. D'ailleurs, là, c'était Adrien, mais il ne faut pas hésiter, surtout si on rejoue, à me demander s'il y a des particularités que vous voulez dans les évolutions de vos personnages que je peux prévoir un petit peu. Ça serait. Faudrait qu'on essaie de prendre la suite, là, non ? Avec la drogue et le vaisseau. Ouais, à la base, ça devait être un one-shot, mais du coup, ça me frustre un peu parce que. Alors, c'est un one-shot, mais c'est un one-shot dans l'histoire, mais vous pouvez. Vous ne repartez pas sans rien, vous repartez avec de l'équipement, un nouveau vaisseau si vous voulez le revendre, vous en faites ce que vous voulez. Ouais, bien sûr. Si vous voulez rejouer plus tard, vous avez ces choses-là en plus dans la liste d'équipement, quoi, entre guillemets. Ouais, on va pouvoir faire une vraie campagne. Une vraie campagne à présent. Si ça a l'air d'avoir plu un petit peu aux gens en plus, donc ça peut être super fun. Ah, c'est vraiment voter dans le chat. Et voter dans le chat. Tu serais genre notre MJ à chaque fois si on faisait une campagne? Bah, moi je peux, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Oui. Mais c'est à vous de voir, hein, surtout. On verra ça en off. Bah oui, bien sûr. On verra ça en off, c'est oui d'emblée, non? Non, mais on va arrêter le stream pour les gens qui nous regardent. Exactement, hein, et on va les libérer. on a mis une demi-heure avant de partir au début de l'aventure. Peut-être. Faire pareil là. C'était les préliminaires, ok. Mais je trouve que ça marche bien parce que pour le coup, il y a souvent ce côté dans les jeux de rôle comme ça où tu sais, c'est un peu compliqué à la fin parce que tu sens que comment, il y a ce côté un peu compliqué par rapport à la fin parce que les gens prévoient pas qu'on parle autant ou qu'on fasse autre, et du coup, ça a tendance à s'éterniser. Et là, vraiment, je trouve que ton timing, tu l'as vraiment trop bien géré, c'est impressionnant. Ah bah, je vous ai... Bon, on va pas se mentir, je vous ai un peu coupé l'herbe sous le pied aussi avec... À la fin, je sentais que vous vouliez repartir avec le petit personnage, je me disais, oh putain de merde. même moi, j'étais là genre, non, stop. Mais en même temps, c'est ton rôle. Hein, ah non, on est un sup. Funèrement, on laisse pas les gens se faire kidnapper comme ça. Mais il est riche. Oui, puis en même temps, la moindre idée stupide, tu dois douter qu'on va foncer dedans la tête la première, c'est ça le truc. Ouais. Du coup, on canonise le fait que le petit personnage, ça soit le roi des Yoda. Hein. Ok. Ouais. dans le Faucon Menu, le Extended Universe, c'est canon. Yaddle, c'était la reine. Bon, je propose de libérer les gens sur le chat et de leur dire au revoir et une bonne nuit à tout le monde. Merci d'être venu. Merci d'être venu surtout et d'être resté. La bise. La bise. Bonjour tout le monde. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millenial. N'oubliez pas de suivre ce podcast sur Twitter, Facebook, ainsi que sur vos plateformes de podcasting préférées. Bisous.